en adorant que lui uniquement, en se pliant, donc en acceptant, en s'engageant à ses ordres, et en désavouant l'adoration de tout autre que lui, ainsi que de ceux qui s'en rendent coupables, c'est-à-dire se désavouer du shirk et des mushrikin. Il faut se désavouer. L'islam signifie donc adorer Allah uniquement, en acceptant ses ordres, et en désavouant le shirk et les mushrikin. Et croire en la prophétie de Muhammad alayhi salatu wassalam, en acceptant donc sa prophétie, en acceptant de suivre ses enseignements. Celui qui ne remplit pas l'une de ces choses n'est pas musulman. Celui qui ne remplit pas l'une des choses que nous avons citées n'est pas musulman. C'est-à-dire, celui qui n'adore pas Allah uniquement n'est pas musulman. Donc celui qui adore Allah et qui adore un autre qu'Allah n'est pas musulman. Celui qui adore Allah uniquement mais qui ne désavoue pas le shirk, il n'est pas musulman non plus. C'est-à-dire celui qui n'adore pas les idoles, qui ne se prosterne pas pour les idoles, qui ne fait pas d'offrande aux idoles, mais qui ne les désavoue pas, qui ne les déteste pas, qui ne s'y oppose pas, il n'est pas musulman non plus. Celui qui désavoue l'adoration des idoles, mais qui pense que ceux qui adorent ces idoles sont de la même religion que lui, il n'a pas non plus, il n'est pas musulman non plus, il n'a pas désavoué les mushrikoun. C'est-à-dire, il pense que l'adoration d'un autre qu'Allah est vaine, mais il considère que ceux qui adorent d'autres qu'Allah sont sur la même religion que lui. Celui-là non plus n'est pas musulman. Et aussi celui qui adore Allah uniquement, mais qui ne croit pas que Mohammed est son messager, ou qui n'accepte pas de le suivre, ou qui suit un autre prophète que lui en reconnaissant que Mohammed est le messager d'Allah, mais qui suit un autre prophète que lui, celui-là n'est pas musulman non plus. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a dit dans Tariq al-Hijratayn, un de ses ouvrages, Tariq al-Hijratayn, à la page 411, il dit: وَالْإِسْلَامْ هُوَ تَوْحِيدُ اللَّهِ وَعِبَادَتُهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَالْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَاتِّبَاعُهُ فِي مَا جَاءَ بِهِ فَمَا لَمْ يَأْتِ الْعَبْدُ بِهَذَا فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ. C'est-à-dire, l'islam, c'est l'unicité d'Allah et l'adorer seul et sans associé, et avoir foi en Allah et en son messager, et le suivre dans ce qu'il a enseigné. Tout serviteur n'accomplissant pas ceci n'est pas musulman. Fin de citation. Ibn Taymiyyah dit dans Majmu' al-Fatawa, volume 3, page 91: فَالْإِسْلَامْ يَتَضَمَّنْ الْإِسْتِسْلَامُ لِلَّهِ وَحْدَهِ فمن استسلم له ولغيره كان مشركا ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده فهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره. Fin de citation en arabe, en français. Donc l'islam, cher l'islam Ibn Taymiyyah nous dit, l'islam englobe la soumission à Allah seul. Celui qui se soumet à Allah et à un autre est un idolâtre, mushrik, et celui qui ne se soumet pas du tout à Allah est un mustakbir, un orgueilleux qui refuse de l'adorer. Or, l'idolâtre tout comme l'orgueilleux sont mécréants. Se soumettre à Allah uniquement inclut de l'adorer seul et de lui obéir à lui seul. Et ceci est la religion d'Allah, Allah n'en accepte aucune autre. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dit dans Majmu' al-Fatawa, volume 7, page 623: قد ذكرت فيما تقدم من القواعد أن الإسلام الذي هو دين الله الذي أنزل به الكتب عفوا الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله هو أن يسلم العبد لله رب العالمين فيستسلم لله وحده لا شريك له ويكون سالما له بحيث يكون متألها له غير متأله لما سواه كما بينته أفضل الكلام ورأس الإسلام وهو شهادة أن لا إله إلا الله وله بالدان الكبر والشرك فإن المستكبر عن عبادة الله لا يعبده فلا يكون مستسلما له والذي يعبده ويعبد غيره يكون مشركا به فلا يكون سالما له بل يكون له فيه شرك. C'est-à-dire en français, Ibn Taymiyyah dit: j'ai déjà mentionné dans les principes précités que l'islam, qui est la religion d'Allah pour laquelle il révéla les livres et envoya les messagers, consiste à ce que le serviteur se soumette à Allah, le Seigneur des mondes, qu'il se soumette intérieurement à Allah seul sans associé, et qu'il l'adore et n'adore personne d'autre, comme l'expose la meilleure parole et la tête de l'islam, la shahada, le témoignage qu'il n'y a de vrai Dieu qu'Allah. Or, ce témoignage a deux opposés, l'orgueil, al-kibr, et l'idolâtrie, le shirk. Donc le témoignage la ilaha illallah a deux opposés, le kibr, l'orgueil, et le shirk, l'idolâtrie. Celui qui par orgueil n'adore pas Allah ne s'est donc pas soumis à lui, et celui qui l'adore avec quelque chose d'autre que lui a alors donné un associé et ne lui est donc pas pur, mais il est souillé par le shirk, l'idolâtrie. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dit dans Majma' al-Fatawa volume 16 page 564: فهذا الذي ذكره من أن اليهود لا تشرك كما أشركت العرب والنصارى صحيح، لكنهم مع هذا لا يعبدون الله بل يستكبرون عن عبادته ويعبدون الشيطان لا يعبدون الله. ومن قال إن اليهود تعبد الله فقد غلط غلطا قبيحا، فكل من عبد الله كان سعيدا من أهل الجنة وكان من عباد الله الصالحين. قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وفي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوما منهم أهل الكتاب، فأول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفي رواية: فادعوهم إلى عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأعلمهم. ولهذا اتفق العلماء على أن أعمالهم حابطة، ولو عبدوا الله لم تحبط أعمالهم، فإن الله لا يظلم أحدا. وقبل إرسال محمد إنما كان يعبد الله من عبده بما أمر به، فأما من ترك عبادته بما أمر به واتبع هواه فهو لا يعبد الله، إنما يعبد الشيطان ويعبد الطاغوت. وقد أخبر الله عن اليهود بأنهم عبدوا الطاغوت، وأنهم لعنهم وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وهو اسم جنس يدخل فيه الشيطان والوثن والكهان والدرهم والدينار وغير ذلك. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. وقال: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. وهم أشد عداوة للمؤمنين من النصارى، وكفرهم أغلظ، وهم مغضوب عليهم. ولهذا قيل إنهم تحت النصارى في النار، واليهود إن لم يعبدوا المسيح فقد افتروا عليه وعلى أمه بما هو أعظم من كفر النصارى. ولهذا جعل الله النصارى فوقهم إلى يوم القيامة، فالنصارى مشركون يعبدون الله ويشركون به، وأما اليهود فلا يعبدون الله، بل هم معطلون لعبادته مستكبرون عنها، كلما جاءهم رسول بما لا تهوي أنفسهم استكبروا فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، بل هم متبعون أهواءهم عابدون للشيطان. Fin de citation qui était un peu longue. Je vais maintenant relire en français ce que je viens de lire. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit: le fait que les juifs n'idolâtrent pas de la même manière que les arabes et les chrétiens est exact, mais malgré cela ils n'adorent pas Allah, au contraire ils s'enorgueillissent face à son adoration et ce qu'ils adorent est le diable et non Allah. Ce qu'ils adorent, c'est Shaitan et non Allah. Celui qui dit les juifs adorent Allah, il s'est trompé affreusement, car celui qui adore Allah sera heureux au paradis et parmi les vertueux serviteurs d'Allah. Car Allah a dit, ne vous ai-je pas engagé, ô enfants d'Adam, de ne pas adorer le diable, car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré, et ne vous ai-je pas engagé à m'adorer, voilà un droit chemin. C'est-à-dire, comme Allah a dit, ne vous ai-je pas engagé à m'adorer, voilà bien un droit chemin, cela prouve que celui qui adore Allah est sur le droit chemin. Et Al-Bukhari et Muslim rapportent que lorsque le prophète envoya Mu'adh ibn Jabal au Yémen, il lui dit, tu vas rencontrer des gens du livre, c'est-à-dire des juifs et des chrétiens, que la première chose à laquelle tu les invites soit d'attester qu'il n'y a de vrai Dieu qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Et dans une version, invite-les à adorer Allah. C'est pourquoi les savants sont tous d'accord pour dire que les œuvres des juifs sont vaines. Mais s'ils adoraient Allah, leurs œuvres ne seraient pas vaines, car Allah n'est jamais injuste envers qui que ce soit. Et avant que Mohammed ne soit envoyé, seul celui qui adorait Allah en pratiquant ses ordres, c'est-à-dire les ordres d'Allah, seul celui qui adorait Allah selon les ordres d'Allah adorait réellement Allah. Et celui qui renonce d'adorer Allah conformément à ce qu'il a ordonné, mais suit ses désirs, eh bien il n'adore pas Allah, mais il adore le diable et il adore le Tarout. Allah nous a informé que les juifs adorent le Tarout et qu'il les a maudits et qu'il s'est mis en colère contre eux et les a transformés et a transformé certains d'entre eux en singes, en porcs et en serviteurs du Tarout. Or le Tarout est un nom et le nom d'une espèce qui inclut Satan, les idoles, les médiums, les dinars et les dirhams. C'est-à-dire l'argent. Et d'autres choses encore. Allah Azza wa Jalla a dit, n'as-tu pas vu ceux qui ont reçu une part du livre et qui ont foi en la magie et au Tarout, sourate 4, verset 51. Et Allah a dit, et quand leur vint d'Allah un messager confirmant ce qu'il y avait déjà avec eux, certains à qui le livre avait été donné jetèrent derrière leur dos le livre d'Allah comme s'ils ne savaient pas. Et ils suivirent ce que les démons racontent sur le roi Suleyman, mais le roi Suleyman n'a pas mécru. Sourate 2, verset 102. Et ils sont les plus opposés, c'est-à-dire les juifs sont les plus opposés aux croyants que les chrétiens. Et leur mécréance est plus sévère. Et ce sont eux qui sont, dans Surat al-Fatiha, al-Mardoub alayhim, ceux qui encourent la colère. Ce sont les juifs. C'est pourquoi il est dit qu'ils seront sous les chrétiens en enfer. Et les juifs, même s'ils n'ont pas adoré le Messie, même s'ils n'ont pas adoré Isa, ils ont plutôt diffamé contre lui et sa mère. Et ceci est une mécréance plus grave que celle des chrétiens. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla a mis les chrétiens à un plus haut rang que les juifs le jour du jugement. Les chrétiens sont des idolâtres car ils adorent Allah et lui donnent des associés, alors que les juifs n'adorent pas Allah, mais ils abolissent son adoration et s'enflent d'orgueil face à elle. Allah a dit, est-ce qu'à chaque fois qu'un messager vous apportait des vérités contraires à vos souhaits, vous vous enfliez d'orgueil, vous traitiez les uns d'imposteurs et vous tuiez les autres. Ils suivent donc leurs désirs et sont des adorateurs du diable. Fin de citation. Ce que nous pouvons donc retenir de toutes les citations que nous avons faites, de celles d'Ibn al-Qayyim et d'Ibn Taymiyyah, c'est que l'islam n'existe en quelqu'un que lorsque deux choses sont réunies. Et tant que ces deux choses ne sont pas réunies, l'islam n'existe pas et n'a aucune raison d'être confirmé en une personne tant que ces deux choses ne sont pas réunies. La première, n'adorer qu'Allah uniquement et désavouer toute autre divinité que lui. Celui qui n'adore pas Allah uniquement n'est pas musulman. Celui qui ne désavoue pas le shirk et les mushrikoun n'est pas musulman. Celui qui ne désavoue pas toute autre divinité qu'Allah Azza wa Jal et ne désavoue pas ceux qui adorent toute autre divinité qu'Allah Azza wa Jal n'est pas musulman. Et deuxièmement, il faut croire et accepter la prophétie de Mohammed, alayhi salatu wassalam. Le fait de croire, c'est plus large, donc croire et accepter. Celui qui croit que le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, est le messager d'Allah, mais refuse d'accepter de le suivre, il n'a pas d'islam. C'est pour ça que le fait de croire en la véracité de Mohammed, alayhi salatu wassalam, ne devient de la foi que si c'est accompagné de l'acceptation. C'est pourquoi Ibn al-Qayyim dit, et l'islam c'est l'unicité d'Allah, et l'adorer lui seul sans associé, et la foi en son prophète. Celui qui ne vient pas avec cela n'est pas musulman. Pour retenir donc que celui qui n'adore pas Allah n'est pas musulman, comme les juifs. D'accord ? Celui qui adore un autre qu'Allah avec Allah n'est pas musulman. Et celui qui ne croit pas en la prophétie de Mohammed après qu'il soit devenu prophète, il n'est pas musulman. Celui qui, après que Mohammed soit devenu prophète, toute personne qui ne croit pas en sa prophétie n'est pas musulman. Par contre, avant qu'il ne soit prophète, avant que Mohammed ne soit devenu un prophète, n'était envoyé par Allah, il n'était pas donc une condition de l'islam de croire en sa prophétie. On peut aussi revenir que celui qui croit en la prophétie de Mohammed mais n'accepte pas de le suivre, donc n'est pas musulman. Et celui qui veut adorer Allah, et ça c'est important, celui qui veut adorer Allah d'après une autre loi que celle de Mohammed, il n'adore pas Allah mais il adore Shaitan, comme les juifs. Les juifs, ils n'adorent pas Allah d'après la loi de Mohammed, ils n'adorent pas Allah d'après ce qu'Allah veut être adoré. Les juifs adorent Allah selon leur jalousie, leur hirde et leur haine contre le prophète. Et ils prétendent que... Et ils refusent d'adorer Allah Azzawajal d'après ce que Allah Azzawajal a demandé. C'est pourquoi tous les cultes que les juifs vouent, ils n'arrivent pas à Allah mais ils arrivent à Shaitan, comme nous l'avons vu dans la parole d'Ibn Taymiyyah. Et nous pouvons aussi apprendre dans la parole d'Ibn Taymiyyah et du verset de la sourate Yassin où Allah Azzawajal a dit wa ani abuduni hadha siratin mustaqim, c'est-à-dire adorez-moi, ceci est un droit chemin. Que toute personne qui adore Allah est sur le droit chemin, et que donc seuls les musulmans adorent Allah. Les autres, ceux qui ne sont pas musulmans n'adorent pas Allah en vérité, ils n'adorent pas Allah. Même s'ils pensent vouer des cultes à Allah, ce culte n'arrive pas à Allah, mais il arrive à Shaitan. Ceci est en résumé ce qu'il faut savoir sur l'islam. D'accord ? Et c'est très important de se mettre dans la tête que celui en qui il manque quoi que ce soit de ce que nous avons mentionné ici, celui qui n'adore pas Allah uniquement, ou qui adore Allah uniquement mais ne désavoue pas le shirk et les mushrikines, ou qui ne croit pas en la prophétie de Mohammed, ou croit en sa prophétie mais ne l'accepte pas, ou refuse de la suivre, comme c'est le cas des tawarites du jugement aujourd'hui, qui reconnaissent que le prophète et la loi d'Allah sont la vérité et qu'ils sont dans le tort, mais ils refusent malgré cela de suivre les ordres. Bonjour et bienvenue. Nous sommes Allah Azza wa Jalla et espérons que vous passerez un bon moment sur notre mais qu'ils abolissent au contraire leur obéissance et interdisent de revenir à leur loi, mais au contraire donc remplacent les lois d'Allah Azza wa Jalla que nous a enseigné son prophète alayhi wa sallam par des lois inventées par des shayatines, êtres humains ou djinns, et abolissent dans leur constitution la loi d'Allah Azza wa Jalla et interdisent d'y revenir, et considèrent que la source de toute loi est le président ou autre, ou le chef d'État, ou l'Assemblée nationale, ou le Parlement. Tout ceci invalide l'islam à sa base même. Cela invalide le tawhid d'Allah Azza wa Jalla. Celui qui n'adore pas Allah uniquement n'est pas musulman, même si il ignore que ce qu'il fait s'oppose à ce que veut Allah Azza wa Jalla. Même s'il pense que ce qu'il fait est une chose aimée par Allah, tout cela ne fait pas de lui un musulman, car le musulman c'est celui qui n'adore qu'Allah. Le nom de l'islam ne signifie rien d'autre que adorer Allah uniquement et désavouer le shirk, ce qui fait que celui qui adore un autre qu'Allah il n'y a aucune raison de lui donner le nom de musulman. Nous passons ensuite à la définition de la foi. Al-Iman en arabe, dans la langue arabe, Al-Iman signifie le tasdiq, c'est-à-dire le fait de reconnaître qu'une chose est vraie, le fait de croire qu'une chose est vraie. Comme lorsqu'Allah Azza wa Jalla a dit dans sourate Yusuf, وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. Lorsque les frères de Youssouf dirent à leur père, mais tu ne nous croiras pas alors que nous disons la vérité. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. Ici, le terme iman, c'est le sens linguistique de iman, c'est-à-dire le fait de croire qu'une chose est vraie. Et Allah Azza wa Jalla dit, وَلَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. La majorité d'entre eux ne croit en Allah qu'en lui donnant des associés. Ici, le sens de iman, c'est-à-dire le fait de reconnaître la rububiyya d'Allah Azza wa Jalla. Ce n'est pas la foi du musulman ici. Donc ça, c'est le sens linguistique de iman. Le sens légal de iman, le sens islamique de iman, c'est un mot qui désigne la croyance en ce qu'informe Allah et son messager et l'acceptation de leurs commandements. C'est donc l'union entre la croyance et l'acceptation. At-tasdiq wal-qaboul. D'accord? La croyance en ce qu'informe Allah et son messager et l'acceptation de leurs commandements, causant la pratique. Et ceci, donc l'acceptation. Un instant. Salam alaikum, est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'il y a du son? Et lorsque la croyance en ce qu'informe Allah et son messager se réunissent avec l'acceptation de leurs commandements, ceci provoque la pratique du corps lorsque la capacité physique est présente. Et la foi augmente en fonction de l'obéissance et diminue en fonction des péchés. Et la foi est composée de deux piliers, la parole et l'acte. La parole, les paroles et les actes commencent dans le cœur du musulman. La parole et l'acte commencent dans le cœur. Le asl de la croyance et de l'acte sont dans le cœur du musulman. Et cette parole et cet acte dans le cœur sont sous forme de croyance et de volonté. La parole du cœur, c'est la croyance, et l'acte du cœur, c'est la volonté. À la base, c'est la volonté et l'intention. Al-irada wa niyya. Et les branches ressortent sur le corps du musulman lorsqu'il, c'est-à-dire plutôt les implications de cette foi, les implications de la foi du cœur ressortent sur le corps du musulman lorsqu'il est physiquement capable, sous forme de paroles de la langue et d'actes du corps. C'est-à-dire que, à la base, la foi du musulman commence dans le cœur. C'est-à-dire, la foi à la base, c'est de croire en ce qu'informe Allah Azzawajal et son messager. Les informations, c'est-à-dire lorsqu'Allah Azzawajal nous informe de ses noms et ses attributs. Qu'Allah Azzawajal est au-dessus du trône, qu'Allah Azzawajal a un visage, a deux mains, etc. Lorsque Allah Azzawajal informe du jour du jugement, lorsqu'Allah Azzawajal informe du paradis, de l'enfer, tout ça ce sont des informations. La foi en ces informations, c'est d'y croire, c'est de croire que c'est la vérité. Et les ordres d'Allah, c'est-à-dire les injonctions, c'est-à-dire ce qu'Allah Azzawajal nous ordonne de faire et nous interdit de faire, ou nous demande de faire, nous conseille de faire, ou nous déconseille de faire. Tout ceci, ce sont les injonctions, ce sont les ordres d'Allah Azzawajal. Le fait d'avoir foi en ces ordres, c'est... Est-ce qu'il y a du son? Le fait d'avoir foi aux ordres d'Allah, c'est de les accepter. Et non pas dire... Si on ne dit pas, par exemple, lorsqu'Allah Azzawajal nous dit qu'il a une main, eh bien nous allons y croire en disant « c'est vrai qu'il a une main ». Et ne pas croire en cela signifie « non, Allah n'a pas de main ». Par exemple. Par contre, lorsqu'Allah Azzawajal nous donne un ordre, c'est-à-dire faites les cinq salats, accomplissez les cinq salats, eh bien on ne dit pas oui c'est vrai. Si par exemple moi je dis à quelqu'un va me chercher quelque chose au magasin, eh bien la personne ne va pas me répondre ah oui tu as raison. Ce n'est pas comme ça qu'on répond à un ordre, ce n'est pas comme ça qu'on a foi à un ordre. Un ordre, on n'a pas foi en un ordre en le reconnaissant vrai, mais on a foi en un ordre en l'acceptant. En l'acceptant. D'accord ? C'est-à-dire, je dis à quelqu'un, va me chercher quelque chose au magasin, il va me dire, d'accord, je vais le chercher. Il ne va pas me dire, oui, tu as raison ou non, tu as tort. D'accord ? Ça, c'est donc la foi. La foi, donc ça commence dans le cœur, c'est-à-dire croire en ce qu'Allah informe et accepter ce qu'il ordonne. Ça, c'est la foi. La croyance à elle seule n'est pas suffisante pour avoir la foi. Celui qui croit en ce qu'Allah Azzawajal informe, mais n'accepte pas d'obéir, il n'a pas de foi. Il est au contraire mécréant comme Pharaon et Iblis et les Juifs. Et les implications de la foi ressortent sur le corps du musulman lorsqu'il en est capable. C'est-à-dire, lorsque un musulman accepte d'obéir à Allah Azzawajal et à son messager, et qu'il est capable de pratiquer dans son corps, qu'il est physiquement capable de pratiquer, eh bien, obligatoirement et forcément, il va pratiquer physiquement de son cœur les obligations au minimum. Un minimum de pratiques religieuses va ressortir sur lui. C'est pourquoi celui qui ne pratique rien du tout de l'islam, qui ne pratique rien de l'islam alors qu'il en est capable physiquement, cela ne peut être que l'effet de la mécréance qu'il y a dans son cœur, c'est-à-dire l'absence de volonté ou de croyance. Donc la foi est donc parole de la langue, acte du cœur, croyance du cœur et intention. L'imam Barbahari dit dans Sharh Sunnah au point 20: والإيمان بأن الإيمان قول وعمل ونية يزيد وينقص يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء. C'est-à-dire, il faut croire que la foi est parole, acte et intention. Elle augmente et diminue, elle augmente comme Allah le veut et diminue jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien du tout. Donc les paroles et les actes se répartissent dans le cœur et le corps. La parole du cœur, c'est la reconnaissance, c'est la connaissance, la certitude et la croyance. C'est le fait de croire que ce qu'Allah et son messager disent est vrai, que ça provient vraiment d'Allah et son messager, en être sûr, ne pas douter et l'approuver. Et l'acte du cœur, c'est l'intention et la volonté et l'acceptation d'obéir à ce que l'on connaît avec certitude comme ordre d'Allah. Fait donc partie des actes du cœur, l'amour, s'engager à obéir, accepter les ordres, la sincérité, l'ikhlas, etc. Donc la foi n'est valide que si elle est composée de la parole et de l'acte du cœur. Et une fois que la parole et l'acte du cœur sont présentes, alors cela provoquera automatiquement la pratique du corps, dès que l'homme sera capable de pratiquer. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dit dans Majmou al-Fatawa, volume 7, page 644: فأصل الإيمان في القلب وهو قول القلب وعمله وهو قول القلب هو قول القلب وعمله وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد وما كان في القلب فلا بد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه. C'est-à-dire, la racine de la foi se trouve dans le cœur. Donc Ibn Taymiyyah dit, la racine de la foi se trouve dans le cœur, et c'est la parole et l'acte du cœur, c'est la reconnaissance, l'amour et la soumission. Et la foi qui se trouve dans le cœur a des effets qui doivent fatalement apparaître sur le corps. Celui qui ne pratique pas les exigences et les conséquences de la foi, cela prouve son absence ou sa faiblesse, c'est-à-dire cela prouve l'absence de foi ou la faiblesse de la foi. Donc celui qui ne pratique rien de son corps alors qu'il en est physiquement capable, il est automatiquement mécréant dans son cœur. C'est une chose importante à savoir. Celui qui ne pratique rien de son corps alors qu'il en est physiquement capable, c'est uniquement parce qu'il n'a pas accepté d'obéir ou alors qu'il n'a pas cru en Allah et son messager. Car la foi du cœur cause fatalement, à la base, la foi du cœur va forcément et obligatoirement et fatalement causer l'acte du corps. Donc s'il n'y a pas d'acte du corps, c'est parce qu'il n'y a pas d'acte du cœur. Sauf pour celui qui est physiquement incapable, comme l'handicapé, ou celui qui est sous la contrainte, ou celui qui meurt avant d'avoir eu le temps de pratiquer. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit dans Majmou al-Fatawa, volume 7, page 611: وَمِنَ الْمُمْتَنَعْ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلْ مُؤْمِنًا إِمَانًا ثَابِتًا فِي قَلْبِهِ بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج ويعيج دهره لا يسجد لله سجدة ولا يصوم من رمضان ولا يؤدي لله زكاة ولا يحج إلى بيته فهذا ممتنع ولا يصدر هذا إلا مع النفاق في القلب والزندقة لا مع إيمان صحيح ولهذا إنما يصف سبحانه بالامتناع من السجود الكفار كقوله يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. Donc c'est-à-dire, Cheikh Islam Ibn Taymiyyah dit, et il est impossible qu'un homme ait une foi confirmée dans son cœur qu'Allah lui a imposé la salat, la zakat, le jeûne, le hajj, et qu'il vive toute son existence sans se prosterner une seule fois, ni jeûner un seul ramadan, ni donner une seule zakat, ni faire un seul pèlerinage. Ceci est impossible et ne provient qu'avec l'hypocrisie du cœur et la zandaqa, la perfidie, et non pas avec une foi valable. C'est pourquoi Allah subhanahu a décrit ceux qui refuse de se prosterner parmi les mécréants dans Surat Noun, dans Surat 68, verset 42-43, le jour où un tibia sera découvert et qu'on les invitera à se prosterner, mais ils ne pourront pas. Donc, la foi du corps, elle est faite de la foi du cœur. Et elle est composée, donc la foi du corps est composée de paroles et d'actes également. La parole de la langue, c'est la shahada, le fait de témoigner de sa langue qu'il n'y a de vrai Dieu qu'Allah et que Mohammed est son messager. Celui qui ne prononce pas de sa langue alors qu'il en est capable, il n'est pas musulman. Celui qui ne prononce pas la shahada alors qu'il en est capable, il n'est pas musulman. Même s'il y croit dans son cœur. Et s'il ne prononce pas la shahada alors qu'il en est capable, c'est forcément parce qu'il refuse, parce qu'il n'a pas accepté la shahada. Et l'acte du corps, la racine des actes du corps sont les cinq piliers de l'islam. C'est aussi le fait de, avant même les cinq piliers de l'islam, la racine de l'acte du corps, c'est le fait de s'écarter des mouchriquines et du shirk et de les fuir, de les boycotter. Ceci est la racine de l'acte du corps. Et les cinq piliers de l'islam. Celui qui ne pratique aucun pilier de l'islam alors qu'il en est capable physiquement, il n'est pas musulman et n'a pas de foi. Et ceci est à l'unanimité des salafs. Celui qui ne pratique absolument rien de l'islam alors qu'il en est capable n'est pas musulman. Ibn Taymiyyah dit dans Majmu' al-Fatawa, volume 7, page 188, وَالْإِرَادَةُ التَّامَّةُ مَعَ الْقُدْرَةُ تَسْتَلْزِمُ الْفِعْلِ فيمتنع أن يكون الإنسان محبا لله ورسوله مريدا لما يحبه الله ورسوله إرادة جازمة مع قدرته على ذلك وهو لا يفعله فإذا لم يتكلم الإنسان بالإيمان مع قدرته دل على أنه ليس في قلبه الإيمان الواجب الذي فرضه الله عليه. C'est-à-dire, Ibn Taymiyyah dit, la volonté totale réunie avec la capacité physique implique l'action. Il est donc impossible qu'un homme aime Allah et son messager et désire ce qu'Allah et son messager aiment d'une volonté déterminée, puis ne le fait pas. Lorsque l'homme ne déclare pas sa foi alors qu'il en est capable, cela indique qu'il n'y a pas dans son cœur cette foi obligatoire qu'Allah lui a imposée. Et Ibn Taymiyyah dit dans Majmu' al-Fatawa, volume 7, page 525-526, وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَنَّهُ مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ مَعْرِفَةُ الشَّيْءِ أن معرفة الشيء المحبوب تقتضي حبه ومعرفة المعظم تقتضي تعظيمه ومعرفة المخوف تقتضي خوفه فنص العلم والتصديق بالله وما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى يوجب محبة القلب له وتعظيمه وخشيته وذلك يوجب إرادة طاعته وكراهة معصيته والإرادة الجازمة مع القدرة تستلزم وجود المراد ووجود المقدور عليه منه فالعبد إذا كان مريدا للصلاة إرادة جازمة مع قدرته عليها صلى فإذا لم يصلي مع القدرة دل ذلك على ضعف الإرادة. Donc Cheikh Islam Ibn Taymiyyah nous dit ici, ce qui entre autres nous explique cela, c'est qu'il est connu que connaître une chose aimable aura pour effet de l'aimer, et connaître une chose vénérable aura pour effet de le vénérer, et connaître une chose effrayante aura pour effet d'en avoir peur. La connaissance en soi et la reconnaissance d'Allah ainsi que ses noms et ses attributs sanctifiés ont pour effet l'amour du cœur, sa vénération et sa crainte. Et ceci a pour effet d'avoir la volonté de lui obéir et de détester de lui désobéir. Et la volonté décisive réunie avec la capacité implique la présence de ce que l'on veut ainsi que la présence de ce qu'on est capable de faire. Lorsqu'un serviteur veut faire la prière d'une volonté ferme et qu'il est capable de la faire, il priera. Et s'il ne prie pas, alors qu'il est capable de prier, cela indiquera la faiblesse de sa volonté. Cheikh Islam Ibn Taymiyyah dit dans Majmu' al-Fatawa, volume 7, page 209, وقال حنبل حدثنا الحميدي قال وأخبرت أن ناسا يقولون من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت ويصلي مستدبر القبلة حتى يموت فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه إذا كان مقرا بالفرائض واستقبال القبلة فقلت هذا الكفر الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وعلماء المسلمين قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الآية وقال حنبل سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول من قال هذا فقد كفر بالله ورد عليه أم عليه ورد على الله أمره وعلى الرسول ما جاء به عن الله. C'est-à-dire Ibn Taymiyyah cite donc dans Majmu' al-Fatawa, volume 7, page 209, Hanbal a dit, Al-Humaydi nous a raconté, j'ai appris qu'il y a des gens qui disent, celui qui reconnaît la salat, la zakat, le jeûne, le pèlerinage, puis ne pratique rien de cela jusqu'à sa mort, ou bien a pris dos à la Qibla toute sa vie jusqu'à sa mort, c'est un croyant qui a une faible foi, tant qu'il ne renie pas, et qu'il sait que sa foi réside dans l'abandon de cela, et qu'il reconnaît les obligations et la prière vers la Qibla. Je dis, donc Al-Humaydi dit, ceci est la mécréance évidente, et cela contredit le livre d'Allah, la sunna de son messager et les savants musulmans. Allah a dit, et on ne leur a ordonné que de n'adorer qu'Allah en louvant la religion pure. Et Hanbal a dit, j'ai entendu Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal dire, celui qui dit ça a mécru en Allah et a réfuté son commandement et l'enseignement du messager. Ceci est également rapporté dans la sunna d'Al-Khalal, récit numéro 1027. Donc, nous venons ici de voir que celui qui prétend qu'il est possible d'être croyant en ne pratiquant rien du tout de l'islam, celui qui croit cela a mécru en Allah et a réfuté son commandement et l'enseignement du messager. Et Ahmad ibn Hanbal ainsi que Al-Humaydi et Waqi' ibn al-Jarrah considéraient les Murji'a extrémistes mécréants, c'est-à-dire ils considéraient que ceux qui disent que tu peux être musulman et croyant même si tu n'adores pas du tout Allah dans tes actes, tu es mécréant. Et Moutaymiyyah dit dans Majmu' al-Fatawa volume 7 page 582, وَإِذَا نَقَصَتِ الْأَعْمَالُ الظَّاهِرَةُ الْوَاجِبَةُ كَانَ ذَلِكَ النَّقْصِ مَا فِي الْقَلْبِ مِنَ الْإِيمَانِ فَلَا يُتَصَّوَّرُ مَعَ كَمَالِ الْإِيمَانِ الْوَاجِبَ الَّذِي فِي الْقَلْبِ أَنْ تَعْدَمَ الْأَعْمَالَ الظَّاهِرَةُ الْوَاجِبَةُ بَلْ يَلْزِمُ مِنْ وُجُودِ هَذَا كَمَالًا وَوُجُودُ هَذَا كَمَالًا كَمَا يَلْزِمُ مِنْ نَقْصِ هَذَا نَقْصُ هَذَا إذ تقدير إيمان تام بالقلب في القلب بلا ظاهر من القول ومن قول وعمل كتقدير موجب تام بلا موجبه وعلة تامة بلا معلولها وهذا ممتنع. Donc Ibn Taymiyyah dit, lorsque la pratique des actes obligatoires extérieurs diminue, c'est à cause d'une diminution de foi dans le cœur. En effet, on ne peut imaginer que la foi obligatoire du cœur soit parfaite alors que les actes obligatoires extérieurs sont absents. Au contraire, lorsque l'un est parfait, l'autre sera parfait également. Cette implication est la même que pour la diminution. Si l'un diminue, alors l'autre aussi. Considérer une foi valable dans le cœur sans parole ni acte extérieur, c'est comme considérer une cause sans effet ou une situation sans justificateur, et c'est impossible. Une cause sans effet, c'est-à-dire c'est impossible de si jamais, c'est comme si on considérait que la foi du cœur que n'a aucun effet sur le corps, et ceci est impossible. La définition de la foi d'après certains muqtadi'a, les khawarij et les mu'tazila définissent la foi comme étant parole et acte et l'obéissance à chaque injonction, c'est-à-dire celui qui n'obéit pas physiquement à un seul ordre est mécréant. Donc celui qui n'obéit pas à un seul ordre d'Allah, c'est-à-dire celui qui obéit à tous les ordres d'Allah sauf à un seul, il est mécréant selon les khawarij et les mu'tazila. Parce que selon les khawarij et les mu'tazila, la foi n'augmente pas et ne diminue pas. Soit tu as la foi complètement, soit tu ne l'as pas du tout. Et pour eux, à chaque fois que tu désobéis à Allah, tu diminues ta foi. Et comme pour eux, il n'y a qu'une seule diminution, c'est la disparition totale. Si tu fais un seul péché, ta foi retombe à zéro, tu es un mécréant. Ça c'est pour les Khawarij et les Mu'tazila. Les Jahmiya, pour eux, la foi c'est la connaissance du cœur uniquement, sans acte ni du corps ni du cœur. Donc ils sont mécréants d'après la majorité des salafs, voire la totalité des salafs. Les Asha'ira disent, la foi est parole du cœur uniquement, sans les actes. Les Karamiya disent, la foi est parole de la langue uniquement, sans parole et actes du cœur, ni sans les actes du corps. Pour les Karamiya, celui qui prononce la Shahada, c'est un croyant, il a la foi. Ce qui fait qu'il considère qu'il y aura certains croyants éternellement en enfer, comme les Munafiqoun par exemple. Les Murji'at al-Fuqaha, pour eux la foi est parole et actes du cœur et parole de la langue sans les actes du cœur. Les Murji'at contemporains, donc les Murji'at al-Asr, pour eux la foi est parole et actes du cœur, parole de la langue sans les actes du cœur. Pour eux, celui qui ne pratique rien, même lorsqu'il est capable, c'est un croyant. Ils ne considèrent pas que la foi du cœur cause la pratique du corps. Donc pour les Murji'at contemporains, quand tu acceptes d'obéir au prophète, quand tu acceptes d'obéir à l'islam, eh bien, cela ne va pas forcément causer en toi l'obéissance physique. Pour eux, il est possible d'être musulman, d'aimer Allah, d'aimer son messager, d'accepter de le suivre, même si tu pratiques rien du tout de l'islam. Donc, ce qu'on peut retenir de tout cela, c'est que la foi est composée d'une racine. La racine de l'islam, c'est la connaissance et la volonté, la parole et l'acte du cœur. La foi du cœur, donc on peut aussi retenir qu'une fois que la foi du cœur et la capacité physique sont réunies, cela provoque automatiquement la pratique du corps, ou ne serait-ce qu'un minimum. D'accord ? Ne serait-ce que pratiquer la salat. Celui qui ne pratique rien du tout de l'islam, alors qu'il en est capable, il n'a pas de foi dans le cœur. Celui qui prétend que la foi du cœur peut exister sans pratique du corps, même lorsqu'on est capable de pratiquer, est un mourji. Et celui qui prétend que l'islam peut exister même sans adorer du tout Allah Azzawajal, même sans rien pratiquer de l'islam, est mécréant d'après plusieurs salafs, d'après Ahmed ibn Hanbal, d'après Al-Humaydi, et d'après Waqi' ibn al-Jarrah, et d'autres, comme nous avons lu la citation. Inch'Allah, ça vous dérange pas, j'aimerais faire une petite pause si c'est possible. Mia, les Ash'ariya, etc., ils considèrent que la foi, c'est ce que nous avons classé comme étant la parole du cœur. La parole du cœur, est-ce que vous vous souvenez un peu de ce que j'avais, qu'est-ce qu'on avait classé comme étant, comme faisant partie de la parole du cœur lors du cours qu'on vient d'avoir? Qu'est-ce qu'on avait classé dans la parole du cœur? On va y venir chercher la science. Non, l'attestation, c'est la parole de la langue, le petit Nicolas. L'attestation, la shahada, c'est la parole de la langue. Les murji'a d'avant, les extrémistes, ne considéraient même pas la parole de la langue comme faisant partie de la foi. Pour eux, la foi, c'est ce que nous, on a classé dans la parole du cœur. La parole du cœur, donc, c'est quoi? C'est la connaissance. C'est la connaissance. La connaissance, la reconnaissance, le fait d'avouer la vérité, d'avouer que ce qu'Allah je le dis est vrai, de connaître ça. Ça, c'est la parole du cœur. D'accord ? Les Mourjias considèrent que c'est ça la foi. Et que la mécréance, c'est qu'il n'y a pas de. C'est l'absence de parole du cœur. C'est-à-dire, c'est soit quand on ignore ou quand on dément, lorsqu'on croit que c'est un mensonge. Lorsqu'on croit que ce qu'Allah Azza wa Jalla informe est un mensonge. Ça, c'est ce qui invalide la parole du cœur. Ça, c'est le kufr d'après les Mourjias. D'après les Mourjias, le kufr, c'est le fait de renier, de démentir. D'accord ? Par contre, tant que tu ne renies pas et que tu ne dément pas, tu n'es pas mécréant chez eux. D'accord ? Mais alors, les Mourjias se sont trouvés face à un problème. C'est Shaitan, la'anatullah alayhi, Shaitan, Iblis. Le problème, c'est que Iblis n'a pas renié. D'accord ? Iblis n'a pas renié, il n'a pas démenti Allah Azza wa Jalla. Il continuait à reconnaître Allah en tant que son Seigneur. Iblis a dit, Qala Rabbi anzirni ila yawmi yub'athun. Il a dit, ô Seigneur, donne-moi un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Donc, Iblis appela Allah comme étant son Seigneur. D'accord ? Donc, vu qu'Iblis n'a pas démenti ou renié, en quoi est-ce qu'il est mécréant ? Mais on venait à dire que la mécréance n'est que le reniement et le démenti. Allah Azza nous a dit que c'est parce qu'il s'est enorgueilli et qu'il a refusé. Illa Iblis aba wastakbara wa kana min al-kafirin. Et le refus et l'orgueil ne sont pas en lien avec la connaissance, mais sont plutôt en lien avec l'acceptation. D'accord ? Quelqu'un qui refuse et s'enorgueillit d'obéir, il invalide l'acceptation et non pas la connaissance. Au contraire, il sait qu'Allah Azza wa Jalla lui a ordonné telle chose, mais il refuse de l'accepter, il refuse de s'y soumettre. Et ceci, cela invalide non pas la parole, l'invalide non pas ce que nous avons classé comme étant la parole du cœur, mais bien l'acte du cœur. D'accord ? Mais les Murji'a, les Jahmiya, les Ash'ariya n'ont quand même pas osé dire qu'Iblis n'était pas mécréant. Ils attestent. Oui, je suis en train de parler là. Est-ce que tu as cherché la science, je n'entends pas ? Bon. Donc les Jahmiya, je disais, les Ash'ariya, ils ne peuvent pas, il est impossible pour eux de dire que Iblis est un croyant. Ils n'ont jamais dit que Iblis est un croyant. D'accord ? Iblis, pour eux, il est mécréant. Aucun musulman ne peut dire que Iblis est musulman. Donc, les Ash'ariya, ils ne disent pas qu'Iblis est musulman, ils ne disent pas qu'Iblis est croyant. Mais ils disent que s'il est mécréant, c'est parce qu'il a démenti. D'accord ? Donc, eux, ils voient sa mécréance comme étant. Ils voient la mécréance d'Iblis, de Pharaon, des Juifs comme étant le démenti. Pour eux, tout mécréant, toute personne qui est mécréante, c'est parce qu'il dément Allah Azzawajal dans son cœur. Et ils disent que lorsque quelqu'un insulte Allah Azzawajal ou prodigue qu'Allah est que Jésus est le fils d'Allah ou des choses comme ça, ils disent que ceci est une preuve qu'il dément dans son cœur. D'accord ? Ils disent que celui qui insulte Allah, cela prouve qu'il ne croit pas en l'interdiction d'insulter Allah, etc. D'accord ? Donc, ils rattachent la mécréance uniquement au démenti. Ça, c'est ce que... Donc, les Murji'a d'avant, ils jugent mécréants les mécréants, d'accord ? Ils disent que ceux qui adorent les idoles sont des mécréants, ils disent que celui qui insulte Allah est mécréant, mais ils disent il est mécréant parce qu'il dément Allah. Or, ça, c'est leur bida. En fait, c'est pas vrai que Iblis dément Allah. Iblis ne dément pas Allah, mais il s'enorgueillit, il n'accepte pas de lui obéir. Mais comme les Murji'a ne voient pas l'acte du cœur comme faisant partie de la foi, ils disent que l'acte d'insulter, par exemple, c'est une preuve du démenti. D'accord ? Ils disent, c'est un dalil, ils disent, hada dalil ala fasad al-i'tiqad. Ils disent, c'est une preuve de la corruption de sa croyance. Or, ce n'est pas vrai qu'insulter Allah est une preuve de démenti. Insulter Allah, Azzawajal, c'est une preuve de mépris. D'accord ? Celui qui insulte Allah, c'est parce qu'il méprise Allah Azzawajal. Le mépris, cela s'oppose à la vénération. Et la vénération, cela fait partie de l'amour qui est un acte du cœur. D'accord ? Mais le Murji'a juge quand même musulman, je le juge quand même mécréant celui qui insulte Allah. Il diverge avec les sunnites de quant à la raison de sa mécréance, la cause, la justification de sa mécréance. Les sunnites justifient la mécréance de celui qui insulte Allah comme étant l'absence de vénération d'Allah Azzawajal, l'absence d'amour d'Allah Azzawajal comme étant le mépris. Mais les Murji'a, eux, ils disent ils justifient la mécréance de celui qui insulte Allah comme étant le démenti. Par contre, les 10 Murji'a d'aujourd'hui, les soi-disant Murji'a d'aujourd'hui, eux, ils disent que celui qui insulte Allah, il n'est même pas mécréant du tout. Sauf si on a une preuve qu'il l'a fait par mépris du cœur. C'est-à-dire les Murji'a d'aujourd'hui, ils disent tant qu'on ne sait pas si celui qui insultait Allah l'a fait par mépris envers Allah, eh bien, il est musulman. Il reste musulman. Ça c'est entre autres ce que c'est entre autres le précepte de Al-Albani et de ses suiveurs, c'est-à-dire que celui qui insulte Allah sans avoir voulu rabaisser Allah par là, sans avoir méprisé Allah Azzawajal par cette insulte, eh bien il reste musulman. Et c'est pour ça qu'il considère que celui qui insulte Allah par mauvaise éducation reste musulman. D'accord ? De même, ils considèrent, et ça c'est une règle qu'ils font pour tout acte de mécréance, ou toute parole de mécréance. Ils disent que celui qui fait un acte de mécréance n'est mécréant que s'il l'a fait dans le but de sortir de l'islam. Que s'il l'a fait, c'est-à-dire, par exemple, celui qui adore une tombe, qui offre un sacrifice à un mort, il ne devient mécréant que si on a la preuve qu'il a voulu faire ça dans son cœur, qu'il a eu l'intention de faire ce qu'il a fait dans son cœur. Donc, c'est-à-dire que eux, dans quelle manière ils sont pires que les Murji'a d'avant ? C'est que les Murji'a d'avant, ils sont d'accord avec les musulmans pour dire que celui qui insulte Allah n'est pas musulman. et ils sont d'accord pour dire que celui qui offre un sacrifice à une idole n'est pas musulman. Mais là où ils divergent avec les sunnites, c'est sur c'est lorsqu'ils doivent justifier cette apostasie. Les sunnites disent qu'il est apostat pour avoir fait l'acte, d'accord, et les murjias disent qu'il est apostat parce que son acte prouve qu'il dément Allah. Et c'est là leur hérésie, c'est que ce n'est pas vrai que leur acte prouve qu'ils démentent Allah. Au contraire, il est tout à fait possible qu'ils insultent Allah tout en croyant que Allah est vérité, mais qu'ils le méprisent par exemple. C'est là donc la différence qu'il y a entre les murjias d'aujourd'hui et les murjias d'avant. C'est que les murjias d'aujourd'hui, ils jugent musulmans les mushrikoun. Et ils jugent musulmans les mécréants qui insultent Allah Azza wa Jal, par exemple. Ou qui urine sur le Coran ou autre, tant qu'ils n'ont pas la preuve, comme ils disent, tant qu'ils n'ont pas la certitude qu'ils ont bien mécru dans leur cœur. Est-ce que la différence entre les murjias d'avant et les murjias d'aujourd'hui est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Il y a deux choses à distinguer, le petit Nicolas, c'est une chose qu'on va, Inch'Allah, voir dans les cours qui vont, Inch'Allah, se suivre. La différence entre lorsque quelqu'un apostasie, c'est à cause d'une parole ou d'un acte, ça c'est une chose, mais cette parole ou cet acte est causé forcément par quelque chose qui se trouve dans le cœur, vu que la base de toute parole et tout acte est la niya. D'accord. Le prophète alayhi salatu wasalam a dit innama al-a'malu bin-niyya. Donc les actes sont accompagnés d'intention, bin-niyya. Les actes, ce hadith nous prouve que tout homme qui fait un acte, il le fait c'est l'origine, c'est l'effet d'une intention, d'accord. Quand je prends un verre d'eau, c'est parce que j'ai voulu prendre un verre d'eau. Quand je mange, c'est parce que j'ai voulu manger. C'est pas tout à coup, je me mets à manger sans contrôle de moi-même. D'accord? Le seul moment où l'acte est indépendant de l'intention, c'est soit lorsqu'on est sous la contrainte, soit lorsqu'on est fou ou inconscient. D'accord? Celui qui est inconscient, qui est fou, il fait des choses qu'il ne commande pas. D'accord? Il va dire des choses, il va insulter sa mère, il se peut même qu'il insulte Allah, mais par folie. C'est-à-dire, là on parle de celui qui est vraiment fou, hein, un handicapé mental, qui n'a pas de cerveau, ou je sais pas quoi, ou bien quelqu'un qui est sous l'effet d'une drogue, ou de l'alcool. L'énervement, pas forcément, cela dépend de quel énervement. Si c'est un énervement qui arrive au point de lui faire perdre conscience, dans ce cas-là, oui. Mais si c'est un énervement, de même le sommeil, quand on dort, on dit des choses qu'on n'a pas voulu dire. D'accord, il se peut que quelqu'un dans son sommeil, il dise des choses, mais il n'est pas jugé pour ça, ou bien quand il est ivre. D'accord, comme le rapporte Ibn al-Qayyim, le compagnon Hamza radiallahu anhu, avant que l'alcool soit interdit, une fois il était ivre, et sous l'ivresse il a récité surat al-kafiroun en récitant qul ya ayyuha al-kafiroun a'budu ma ta'budun wa nahnu 'abiduna ma ta'budun. D'accord, donc il a dit ô vous les mécréants, nous adorons ce que vous adorez et vous êtes adorateurs de ce que nous adorons, ou quelque chose comme ça. Mais comme il était ivre, il n'a pas fait exprès, ce n'était pas intentionnel ce qu'il a dit, donc il n'est pas mécréant. Donc, à la base, tout acte est causé par une intention, sauf lorsqu'on est sous la contrainte ou qu'on est inconscient. Cette distinction est importante, parce que cela... Mais donc, nous avons donc la première chose que nous disions, c'est que, premièrement, le statut de l'apostasie, le fait de dire que quelqu'un est sorti de l'islam, c'est... Ceci, les sunnites prononcent ce verdict sur base de la parole ou de l'acte uniquement, sans se préoccuper de ce qu'il y avait dans le cœur ou pas. D'accord? Quand quelqu'un juge quelqu'un apostat pour avoir fait une offrande à un autre qu'Allah, nous n'allons pas dire il est apostat parce qu'il a eu l'intention de se rapprocher d'un autre qu'Allah, mais on va dire il est apostat parce qu'il a fait une offrande. D'accord? C'est sur base de l'acte. Mais nous savons que si tout acte commis sans contrainte et consciemment est forcément causé par une niya, et que donc lorsqu'une personne insulte Allah par exemple, il est impossible que lorsqu'il insultait Allah, dans son cœur il vénérait Allah ou il honorait Allah Azza wa Jal, il ne peut que mépriser Allah Azza wa Jal. C'est impossible d'insulter Allah tout en aimant Allah Azza wa Jal et en l'adorant dans son cœur. C'est une chose impossible, sauf lorsque c'est sous la contrainte ou lors d'une folie. D'accord? Je ne pense pas que le fait de ne pas arriver à apprendre le Coran puisse t'amener à un énervement tel que tu perds de conscience, le petit Nicolas. D'accord ? Lorsque ça t'énerve de ne pas arriver à apprendre une sourate, ce n'est pas un énervement qui t'amène à sortir, à devenir inconscient. Moi, je pense que l'énervement qui fait sortir qui fait perdre de conscience, c'est si je sais pas, si on vient de tuer ta fille devant toi, ou je ne sais pas, des choses vraiment qui te rendent fou de rage, d'accord. Mais la personne qui n'arrive pas à prendre sa sourate, alors il s'énerve et il insulte le Coran, c'est un apostat, c'est pas possible. C'est pas un énervement qui te fait perdre conscience, ça, d'accord. D'accord. Est-ce que la distinction que j'ai expliquée entre les murjiades contemporains, les murjiades d'aujourd'hui, non, les murjiades contemporains, les murjiades d'avant, est-ce que ça a été compris, Inch'Allah? Est-ce qu'il y a une remarque, une question à ce sujet? Mais Inch'Allah, c'est enregistré, Tawhid Islam. En fait, si jamais il y a d'autres questions, je préfère qu'on pose d'autres questions. Si jamais il n'y a pas d'autres questions, je veux bien les répéter, Inch'Allah. Abou Hassan, les pseudo-salafis sont appelés Mourjia, mais c'est pas vraiment vrai. Il est clair et net qu'ils ont des principes de Mourjia. D'accord ? Ça, c'est sûr et certain que les Mourjia d'aujourd'hui, ils ont des principes de Mourjia. C'est juste que leurs principes de Mourjia ont dépassé celui des extrémistes. Les murji'a, ce sont ceux qui font sortir les actes de la foi. C'est ça le principe des murji'a. Ensuite, ils sont de plusieurs degrés. Il y en a qui font juste sortir les actes du corps, de la foi. Par exemple, les murji'a al-fuqaha, ils considèrent que l'amour et l'intention font partie de la foi, mais que la pratique du corps ne fait pas partie de la foi. D'accord ? Ça, c'est comme Abu Hanifa, par exemple, rahimahullah, et les murji'a al-fuqaha. Comme l'imam Tahawi aussi, entre autres, et d'autres gens de science qui avaient donc certaines, ou entre autres aussi Ibn Hajar al-Asqalani, et d'autres qui, ou aussi l'imam Qurtubi, entre autres, qui avaient donc certains principes de Murji'a. Mais tous s'entendaient pour dire que l'intention, l'amour d'Allah, tout ça font partie de la foi, d'accord ? Puis il y a les Murji'a extrémistes. Ça, ce sont les Ash'ariya, les Karamiya et les Jahmiya. Et ceux-là, ce sont ceux qui disent qui ne considèrent pas les actes du corps ni du cœur comme faisant partie du Iman, ni même la parole de la langue pour certains. À part les Karamiya qui se considèrent que la foi est uniquement la parole de la langue, même s'il n'y a rien dans le cœur. D'accord ? Bon. Mais les Jahmiya à la base considèrent que la foi c'est le tasdir et le ma'rifa, donc la reconnaissance et la connaissance, et que la mécrance c'est l'ignorance et le démenti. Ça c'est ce que disent les Jahmiya et les Ash'ariya aussi. Mais ils considèrent que les mécréants, donc ceux qui commettent des actes de mécréance, ils les jugent quand même mécréants. Ils disent ils sont mécréants. Ils sont d'accord avec Ahl Sunnah, avec les musulmans, pour dire ils sont mécréants. Mais ils disent qu'il est possible que dans leur cœur ils soient musulmans et croyants. D'accord ? Ils disent ils sont mécréants dans l'apparence. Par exemple, c'est ça qu'ils disent les Jahmiya. Ils se disent, celui qui... Non, ça c'est les Mu'tazila. Qui disent al-manzila bain al-manzilatayn. D'accord ? Nous on parle ici des Jahmiya par exemple. Les Jahmiya ils disent, celui qui insulte Allah, nous le jugeons mécréant dans ce dunya. Ici on dit, ici c'est un kafir dans le dunya. Parce qu'on voit qu'il insulte Allah. Mais il est possible que dans son cœur, il aime Allah et qu'il soit mu'ahid dans son cœur, qu'il soit monothéiste dans son cœur et que yawm al-qiyamah, il soit ressuscité avec les croyants. Ça c'est ce que disent les Jahmiya. Les Jahmiya sont, rien que pour avoir dit ça, les Jahmiya ont été jugés mécréants par la plupart des salafs. D'accord ? Rien que pour avoir dit ça. Que dire de ceux d'aujourd'hui qui disent que celui qui insulte Allah, il n'est ni mécréant à l'extérieur ni à l'intérieur. Al-Albani par exemple, il considère que celui qui insulte Allah, il n'est même pas mécréant à l'extérieur. Nous, on n'a même pas le droit de dire qu'il est mécréant tant qu'on n'a pas la certitude que dans son cœur, il a voulu rabaisser Allah Azza wa Jal, qu'il a fait ça par mépris. Par exemple, s'il a fait ça par mauvaise éducation, Al-Albani dit cela ne prouve pas qu'il est sorti de l'islam en insultant Allah. D'accord. C'est là la différence, c'est que les Jahmiya, au moins, ils étaient d'accord avec les musulmans pour dire qu'il est mécréant dans le dunya. Al-Albani et les Murji'a contemporains, ils disent même dans le dunya, nous ne jugeons pas mécréant tant que nous ne savons pas ce qu'il y a dans son cœur. D'accord. Pour Al-Albani, le fait d'insulter Allah, c'est du kufr duna kufr. C'est du kufr asrar. D'accord. Je vais d'ailleurs vous en donner, Inch'Allah, la preuve. si un instant. Donc, Al-Albani considère qu'insulter Allah Azzawajal, c'est du kufr lafzi. Il appelle ça par une terminologie spéciale que je n'ai jamais entendue si ce n'est chez lui. Il dit que c'est du kufr lafzi. D'accord ? Lorsqu'on l'interrogea au sujet de ceux qui insultent Allah Azzawajal, Al-Albani l'a dit Ana a'taqid anna haoula illadhina tasdur minhum hadhi al-kufriyat al-lafziya. دعونا نسميها بواقع أمرها الذين تصدر منهم هذه الكفريات اللفظية نحن نسمع الكثيرين منهم من يتبع كفره بالاستغفار وهذا ما معناه أن هذا يحتاج إلى أن يضرب عصتين وثلاثة ولن يعود مرة أخرى إلى هذه اللفظة الكافرة c'est-à-dire, il dit je crois que ceux de qui proviennent ces mécréances oral, si je peux traduire kufr al-lafzi par une mécréance orale, puis il dit laisse-moi appeler cela par son nom, ceux de qui proviennent ces mécréances orales, nous entendons qu'ils font toujours suivre cela d'une demande de pardon à Allah. Or, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire qu'ils ont besoin d'être frappés avec un bâton une ou deux fois, et après il ne dira plus jamais ces mécréances orales. D'accord ? Donc pour Al-Albani, Non, ça c'est pas dans Al-Kufran qu'il a dit ça. Ça c'est répertorié dans un livre qui s'appelle Fatawa Sheikh Al-Albani wa Muqaranatuha bi Fatwa Al-Ulama. C'est un ensemble de fatwas qui ont été dites par Al-Albani dans ces diverses cassettes qui ont été compilées par ses élèves, je pense. Et ça c'est donc mentionné dans ce livre à la page 583-584. D'accord ? Donc il considère qu'insulter Allah c'est un kufr lafzi. Mais pour savoir qu'est-ce que ça veut dire un kufr lafzi d'après Al-Albani, puisque Al-Albani a inventé ce terme, donc il faut revenir à lorsque Al-Albani explique qu'est-ce qu'il veut dire par le kufr lafzi. Al-Albani dit dans le livre que je viens de citer à la page 284, il dit فَهُنَاكَ كُفْرٌ لَفْزِي وَكُفْرٌ قَلْبِي والتقسيم السابق كان كفرا اعتقاديا وكفرا عمليا والآن قسمة أخرى عادلة كفر لفظي وكفر قلبي الكفر القلبي يساوي الكفر الاعتقادي والكفر اللفظي يساوي الكفر العملي. Donc Al-Albani ici dit il existe donc une mécréance orale, le kufr lafzi, et une mécréance du cœur, le kufr qalbi. Alors que nous disions cela auparavant, en mécréance de conviction, mécréance gestuelle, et maintenant nous avons un autre classement qui est la mécréance orale et la mécréance du cœur. La mécréance du cœur équivaut à la mécréance de conviction, et la mécréance orale équivaut à la mécréance de l'acte. Donc pour Al-Albani, le kufr lafzi, il parle du kufr amali, d'accord ? Et pour Al-Albani, le kufr amali, c'est le kufr duna kufr, d'accord ? Pour Al-Albani, le kufr al-amali, c'est du kufr duna kufr, qui ne fait pas sortir de l'islam. Le seul kufr qui fait sortir de l'islam pour l'Albani, c'est le kufr qalbi et i'tiqadi. Mais pour lui, insulter Allah, c'est du kufr lafzi, et non pas du kufr qalbi. Donc pour l'Albani, le fait d'insulter Allah, c'est du kufr duna kufr, c'est du kufr asghar. Comme il l'a dit dans la fatwa que j'ai citée tout à l'heure. Il considère que ceux qui insultent Allah, il dit que c'est des kufriyat lafziya, donc c'est des mécréances orales. Et il nous a expliqué dans ses fatwas que ce qu'il veut dire par mécréance orale, c'est le kufr amali. Et pour Al-Albani, le kufr amali, c'est du kufr duna kufr. D'accord ? Donc pour Al-Albani, celui qui insulte Allah n'est pas mécréant tant qu'on n'a pas une preuve que cette insulte provient d'un mépris envers Allah Azzawajal. Pour Al-Albani, celui qui insulte Allah, il n'est pas mécréant tant qu'il ne croit pas qu'Allah est réellement comme il l'a dit. Par exemple, celui qui insulte Allah d'une insulte, mais qui ne croit pas qu'Allah est réellement comme il l'a insulté, eh bien, il n'est pas mécréant d'après Al-Albani. D'accord ? Pour lui, c'est du kufr amali d'insulter Allah Azzawajal. C'est du kufr amali, c'est-à-dire, c'est vrai qu'insulter Allah est du kufr amali, mais Al-Albani, il faut savoir que ce qu'il entend par kufr amali, c'est le kufr asghar. Le kufr الغير مخرج من الملة. D'accord ? Et ça, c'est une chose que même les Jahmiyyah n'ont pas dit. Les Jahmiyyah n'ont jamais dit qu'insulter Allah, ça ne fait pas sortir de l'islam. Eux au moins disaient, dans Dunya, celui qui insulte Allah, il sort de l'islam. Il n'est pas musulman, mais c'est possible que dans son cœur, il soit croyant. Et pour avoir dit ça, ils sont sortis de l'islam. Par contre, Al-Albani, lui, il n'est, pour lui, celui qui insulte Allah, il n'est même pas mécréant. Physiquement, on ne peut même pas dire de lui dans Dunya qu'il n'est pas musulman. Voilà. Donc c'est ça la différence entre les murji'a d'avant et les murji'a d'aujourd'hui. Les murji'a d'avant, ils étaient d'accord avec nous pour dire que les mécréants sont mécréants, mais cri silencieux. Un frère m'a répondu. Tu parles de quelle réponse? Parce que je sais qu'ils ont. Qui m'a répondu à ça? Quel frère m'a répondu à ça d'ailleurs en fait? Visio n'est pas un frère. Et deuxièmement, Visio n'a pas vraiment répondu à ça. Visio a prétendu que Al-Albani juge mécréant celui qui insulte Allah. Mais moi, je viens de donner la preuve que Al-Albani considère qu'insulter Allah, c'est du kufr de la kufr. Oui, sur plein de choses, il a écrit. Je sais que Visio a écrit sur plein de choses, mais moi-même, j'ai écrit tout un dossier pour lui répondre. Et comme par la suite, il a encore ajouté des choses, je suis en train de, inshallah, enrichir le dossier, d'accord. Mais Al-Albani, ça, c'est une chose... Excusez-moi, mais même les savants du Tahout de l'Ajnad Da'ima ont contesté les affirmations de l'Albani concernant la foi, d'accord. Donc, c'est une chose qui n'échappe pas même aux savants du Tahout, d'accord. L'Albani était un murji pire qu'extrémiste. Il a dépassé en égarement les Jahmiyyah, d'accord. Il s'est fait lui-même frère de ceux qui insultent Allah Azza wa Jal. Il considère que ceux qui insultent Allah, que vous savez, en Jordanie, même les enfants insultent Allah Azza wa Jal. Même que ce soit en Jordanie ou ailleurs, les endroits où l'éducation est telle, oui, c'est vrai, que même des enfants insultent Allah Azza wa Jal. Les gens insultent Allah Azza wa Jal même sans être en colère, pour des choses futiles. Insulter Allah Azza wa Jal, c'est ces gens-là, c'est devenu quelque chose d'habituel. C'est presque un réflexe chez eux. Alors moi, je voudrais qu'on me dise, voilà, en jouant au ballon ou en ayant raté un goal ou quelque chose comme ça, bon, des choses tellement futiles, ils insultent Allah. Et comment est-ce qu'on peut considérer qu'on peut être musulman en ayant atteint un si bas respect d'Allah Azza wa Jal, au point que l'insulter est un réflexe. Celui qui a un minimum de connaissance d'Allah, un minimum de jalousie envers pour la religion d'Allah Azza wa Jal, il est impossible que une personne juge musulman celui qui insulte Allah Azza wa Jal. Celui qui insulte Allah Azza wa Jal est un mécréant à l'unanimité totale des musulmans. Et celui qui doute de sa mécréance est un mécréant également. Celui qui pense qu'on peut rester musulman en insultant Allah, c'est pas un musulman. D'accord? C'est pas ijma des ulama, ou c'est un ijma des muslimines. Il n'y a pas un musulman qui dit qu'on peut insulter Allah en restant musulman. Les murji'a, les jahmiya et les ash'ira, ils jugent aussi mécréant celui qui insulte Allah. Ils divergent avec nous en disant celui qui insulte Allah, il est mécréant parce qu'il a démenti. D'accord? Mais ils disent pas qu'il est musulman. Il y a unanimité de toutes les sectes islamiques réunies, toutes tendances confondues, sont tous d'accord pour dire que celui qui insulte Allah Azza wa Jal n'est pas musulman. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pseudo salafi aujourd'hui. Peu importe comment tu les appelles, l'essentiel c'est... L'essentiel c'est que ça ce soit quelque chose de juste, d'accord. Tu peux les appeler des pseudo salafis, tu peux les appeler des suppos du Tahout, des anadika, tu peux les appeler des apostats, tu peux les appeler un nom qui soit juste. Non, on peut évidemment pas dire qu'ils sont nos frères. On ne peut pas dire que ces gens sont nos frères lorsqu'on sait ce qu'ils disent. Il y en a d'entre eux qui sont ignorants. Ceux qui sont ignorants, on peut avoir de deux choses, d'accord. Les nouveaux, ceux qui viennent de commencer à se convertir à l'islam et qui, ce sont les premiers qu'ils rencontrent, d'accord, et qui n'ont pas encore, qu'on ne leur a pas encore enseigné l'amour des tawarites. D'accord. On ne leur a pas encore enseigné l'amour des gouvernements arabes et des tawarites, et on ne leur a pas encore enseigné la fraternité envers les insulteurs d'Allah Azza wa Jal, et on ne leur a pas encore enseigné la fraternité envers les mushrikoun. Mais on leur a enseigné que c'est obligatoire de suivre les salafs, qu'il faut qu'Ibn Taymiyyah c'est un cher, mashallah, et que c'est très bon, tu vois. Qu'on leur a enseigné des choses qui sont vraies encore, tu vois, et qui n'ont pas encore eu le temps d'apprendre et d'adhérer à leur, et d'adopter leur thèse impie. Cela, il n'y a pas de raison de les juger mécréants tant qu'ils désavouent le shirk et les mushrikin. D'accord ? S'ils restent sur la fitra, qu'ils ont encore cette fitra en eux qui est de désavouer le shirk et les mushrikin, d'accord ? Ils sont musulmans, ce sont nos frères. D'accord ? Tant qu'ils n'ont pas encore eu connaissance de ce que disent réellement ces gens. D'accord ? Et ceci, même s'ils considèrent qu'El Matrali ou autre, c'est un savant, tant qu'il n'a pas encore eu connaissance de ce que dit réellement Matrali. D'accord ? Ou Ben Baz, ou Fawzan, etc. S'il n'est pas encore au courant de ce qui se passe vraiment dans l'affaire. Mais vous avez certains d'entre eux, les novices chez eux, ben, quand vous leur montrez ce que font les gouverneurs laïcs et démocrates, ben, ils sont choqués, hein, et ils ne s'étonnent pas quand on leur dit que ces gens-là ne sont pas musulmans, d'accord ? Mais par contre, ceux qui ont eu le temps d'adhérer à leur, qui ont adopté leur thèse, ceux-là ne sortent de l'islam en acceptant ces thèses, lorsqu'ils connaissent la réalité des choses. Et donc, on ne peut pas dire qu'ils sont nos frères. D'accord ? Tout comme on ne dit pas que les adorateurs de tombes sont nos frères. D'accord ? On ne dit pas de ceux qui insultent Allah que ce sont nos frères. On ne dit pas, donc, des mouchelikouns que ce sont nos frères. Mais le simple fait de dire Ahi ou Salam alaikum à un kafir, c'est pas une chose qui prouve catégoriquement que tu l'as jugé musulman. Par exemple, certaines personnes peuvent mal interpréter, par exemple, quand Allah Azza wa Jal dit Wa ila Thamud akhahum saliha, par exemple, lorsqu'Allah Azza wa Jal a dit et au Thamud, il fut envoyé leur frère Salih, akhahum saliha. Les Thamud n'étaient pas musulmans, ils n'étaient pas croyants, et Allah Azza wa Jal a considéré que Salih était leur frère, c'est-à-dire leur frère dans la tribu, leur frère dans la commune, c'est-à-dire c'était un frère dans leur tribu, si vous voulez, c'était pas une fraternité religieuse. D'accord ? Et il se peut qu'il arrive que les gens interprètent les choses, croient que dans la maslaha tu as le droit de dire akhi dans un autre sens que la fraternité religieuse ou autre. D'accord ? Et le fait de donner le salam à un kafir ou autre n'est pas une preuve claire d'apostasie. Des fois une personne peut croire que en cas de pour la maslaha ou pour autre tu as le droit de le dire, mais pas comme étant, ce n'est pas une forme, il ne considère pas comme ça comme étant une façon d'exprimer qu'il le considère comme un frère. D'accord ? Comme un frère dans le dîn. Dans ce cas-là, il faut lui expliquer que c'est pas permis de leur donner le salam, etc. D'accord ? Et que c'est pas permis de leur dire Ahi. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Vous m'entendez toujours là ? Donc il faut bien faire, il y a une chose qu'il faut bien faire attention. C'est que lorsqu'on juge de la mécréance d'un musulman, cela doit être basé sur quelque chose de net, de clair, de flagrant, de précis, et pas sur des suppositions ou sur des probabilités ou sur des choses où on se dit « Ah, mais s'il a dit ça, ça veut dire que ça et ça veut dire que ça ». Si jamais c'est une implication qui existe vraiment, qui est confirmée, alors oui, mais sinon on ne juge pas mécréant des gens lorsqu'ils font des actes qui ne sont pas clairement décrits comme de l'apostasie dans les textes. D'accord ? C'est important de bien, et c'est Inch'Allah parmi les choses qu'on va voir Inch'Allah dans ce que je suis en train de ce qu'on est en train de faire Inch'Allah. Bon, je vous propose qu'on fasse la salat et puis si vous voulez qu'on continue après Inch'Allah. Est-ce que vous voulez qu'on continue après la salat ou bien qu'on remette ça un autre jour? Bon alors on se donne rendez-vous à quelle heure Inch'Allah sur le salon? J'ai 17h46 moi. J'ai 17h46, mais je vous préviens que vers 19h, moi, je ne pourrai plus continuer le cours, Inch'Allah. Donc à 18h, Inch'Allah. À 18h, on poursuit, Inch'Allah. Bon, ben alors, à tout à l'heure, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Juste toi déjà. Donc on va poursuivre avec maintenant la définition du shirk. Donc nous avons déjà défini l'islam et l'iman, la foi. Nous allons maintenant passer à la définition du shirk. Et nous allons directement donner la définition islamique du shirk. Le shirk, c'est le contraire de l'islam et du tawhid. Cela signifie mettre à égalité avec Allah un autre qu'Allah, que ce soit dans la seigneurie ou la divinité, par un acte, une parole ou une conviction. Exemple, attribuer à une créature un droit que seul Allah mérite. Par exemple, l'adoration, l'invocation, l'offrande, etc. Comme par exemple, accorder à un autre qu'Allah une offrande, un sacrifice, ou accorder à un autre qu'Allah, donc, le droit de trancher d'un conflit, de trancher, de juger d'un conflit, la prière, l'invocation, etc. Ou alors c'est attribuer à une créature un pouvoir que seul Allah possède, comme par exemple le pouvoir de créer à partir du néant, de donner la vie et la mort, d'interdire et de permettre, de faire des lois, de connaître le futur et les secrets cachés dans les cœurs, d'exaucer les prières, etc. Comme par exemple donner à un autre qu'Allah le pouvoir de connaître l'avenir, le pouvoir de guérisseur, de créateur, de pourvoyeur, de donneur de vie et de mort, de législateur, etc. Ou alors, c'est la pire forme de shirk, c'est de se donner à soi-même un pouvoir ou un droit qui n'appartient qu'à Allah. Comme par exemple, se donner à soi-même le pouvoir de créer, de donner la vie et la mort, de prédire l'avenir, de légiférer, d'être invoqué, d'être adoré, de trancher des conflits, etc. Ceci est la pire catégorie de shirk et c'est ce qu'on appelle At-Tarutiyya, At-Turyan. C'est donc celui qui fait ça, c'est ça le Tarut. Le Tarut, c'est celui qui se donne à lui-même un pouvoir ou un droit qui n'appartient qu'à Allah Azzawajal. C'est la pire forme de shirk. Abdallah ibn Mas'ud, et ceci nous parlions ici du shirk akbar, celui qui fait sortir de l'islam. Abdallah ibn Mas'ud rapporte que le prophète alayhi salat wa salam a dit: le pire des péchés, c'est que tu attribues à Allah un égal alors qu'il t'a créé. Akbar ul kabair huwa an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Un nidd, c'est-à-dire un égal, un semblable. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Allah n'accepte aucune action d'un idolâtre. Celui qui est mushrik, Allah n'accepte aucune action de lui, même s'il était ignorant. Allah a dit: Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un associé, et il pardonne ce qui est moindre que cela à qui il veut. Celui qui adore un autre qu'Allah par ignorance ou par erreur n'est pas musulman, car l'islam, le musulman, c'est qui le musulman? C'est celui qui n'adore qu'Allah uniquement, comme nous l'avons vu dans la définition de l'islam. Donc celui qui adore un autre qu'Allah, ben forcément, qu'est-ce qui lui reste de l'islam? Rien. Puisque l'islam, c'est d'adorer qu'Allah uniquement, donc forcément celui qui adore un autre qu'Allah, ben il n'est pas dans l'islam, il est dans autre chose que l'islam, c'est le shirk. Donc il ne reste aucun islam lorsqu'on adore un autre qu'Allah. Ibn Taymiyyah dit dans Majmu' al-Fatawa, volume 14, page 282, وَلِهَذَا كَانَ كُلُّ مَنْ لَمْ يَعْبُدِ اللَّهِ وَحْدَهِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ عَابِدًا لِغَيْرِهِ يَعْبُدْ غَيْرُهُ فَيَكُونُ مُشْرِكًا وَلَيْسَ فِي بَنِي آدَمْ قِسْمٌ ثَالِثٌ بَلْ إِمَّا مُوَحِدٌ أَوْ مُشْرِكٌ. C'est-à-dire, Ibn Taymiyyah dit, c'est pour ça que quiconque n'adore pas Allah uniquement, n'adore pas uniquement Allah, c'est qu'il adore forcément un autre que lui. Il est donc un mushrik, un idolâtre. Et écoutez bien, il n'y a pas trois catégories d'êtres humains. Il y a soit le monothéiste, soit le muwahhid, soit l'idolâtre mushrik. Il n'y a pas trois catégories d'êtres humains. Retenez bien ceci. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah le dit donc dans Majmu' al-Fatawa, volume 14, page 282. Il n'y a pas trois catégories d'êtres humains. Il n'y a que le muwahhid et le mushrik. Les êtres humains sur la terre, ici, ils ne sont que de deux sortes, soit des muwahhid, soit des mushrikoun. Uniquement, il n'y a que ça. Et Ibn Taymiyyah dit dans Majmu' al-Fatawa, donc volume 14, page 284, فَكُلُّ مَنْ لَمْ يَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينِ فَلَا بُدَ أَنْ يَكُونَ مُشْرِكًا عَابِدًا لِغَيْرِهِ وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ عَابِدٌ لِلشَّيْطَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ بَنِي آدَمَ إِمَّا عَابِدٌ لِلرَّحْمَنِ وَإِمَّا عَابِدٌ لِلشَّيْطَانِ. C'est-à-dire, toute personne n'adorant pas exclusivement Allah, il est fatalement mushrik, idolâtre, et adorateur d'un autre qu'Allah. Il est en vérité adorateur du diable, de Shaitan. Tout fils d'Adam est soit adorateur d'Allah, soit adorateur du diable, soit adorateur de Rahman, du miséricordieux, soit adorateur de Shaitan, le diable. Donc c'est une règle, et ça c'est une chose qui doit être établie dans tous les cerveaux, qu'il n'existe que deux genres d'êtres humains sur terre. Soit un muwahhid, soit un mushrik. Le muwahhid, c'est celui qui adore Allah uniquement et personne d'autre. Et le mushrik, c'est celui qui adore Allah et un autre. Ou bien c'est celui qui n'adore pas Allah du tout. Dans les deux cas, il adore Shaitan. Donc que ce soit celui qui adore Allah et un autre, ou celui qui n'adore pas du tout Allah, c'est un adorateur de Shaitan. Celui qui n'adore pas du tout Allah, c'est par obéissance à Shaitan. Et cette obéissance à Shaitan dans la non-adoration d'Allah, dans la cessation de l'adoration d'Allah, ça c'est une adoration de Shaitan, c'est dans l'obéissance, c'est du shirk dans l'obéissance. D'accord. Donc toute personne n'étant pas monothéiste est forcément mushrik. Toute personne qui n'est pas musulmane est forcément mushrik, a forcément du shirk en elle. Ça c'est une chose importante à se mettre en tête. Mais il y a une règle importante, c'est que Allah Azza wa Jalla ne punit personne, qu'il soit musulman ou non, ne punit personne tant que le message ne lui est pas parvenu. Donc le mushrik, celui qui n'est pas musulman, il n'est pas puni pour cela tant que le message ne lui est pas parvenu. C'est-à-dire que le mushrik ne mérite d'être puni qu'après que l'enseignement du prophète lui ait été accessible. S'il meurt avant que le message du prophète lui soit parvenu, il ne sera pas puni tant que ne lui sera pas envoyé un messager qui sera envoyé à ce moment-là le jour du jugement. Il y aura donc l'imtihan, le test. Dans ce test, il sera envoyé un messager au mushrik qui est mort avant d'avoir eu accès au message. Et si à ce moment-là, il obéit au messager qui lui est envoyé le jour du jugement, s'il lui obéit, il deviendra musulman pour avoir obéi au messager lorsqu'il lui a été envoyé. Et comme il deviendra musulman, il aura le droit d'entrer au paradis avec les musulmans. Et s'il lui désobéit, il entrera en enfer pour l'éternité, car il sera à ce moment-là un mushrik après que la preuve lui soit parvenue. D'accord ? Le prophète alayhi salatu wasalam a dit La yatrul janna illa nafsun muslima. C'est-à-dire illa nafsun muslima. Personne n'entre au paradis si ce n'est une âme musulmane, monothéiste. D'accord ? Donc cela prouve qu'un mushrik n'entrera jamais au paradis. Même s'il meurt ignorant, même si le mushrik qui meurt avant d'avoir eu le message, il n'entrera pas au paradis. Mais Allah lui enverra son messager le jour du jugement. Et si jamais il obéit à ce messager, il deviendra musulman, il ne sera plus mushrik, il deviendra un musulman. Et s'il continue, et s'il désobéit à ce messager le jour du jugement, alors là il sera vraiment un mushrik kafir qui mérite donc le châtiment. Et la preuve de cette règle, qui est que Allah Azza wa Jalla ne punit personne tant que le message ne lui est pas parvenu, qu'il soit mushrik ou non, Allah Azza wa Jalla a dit وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Et nous ne châtillons personne avant d'avoir envoyé un messager. Sourate 17 verset 15. ce verset nous prouve non pas que celui qui fait du shirk est excusé pour son ignorance, ni que ses œuvres sont acceptées, ni qu'il est un frère dans notre religion, ni qu'il mérite d'entrer au paradis, mais il prouve uniquement que Allah Azzawajal ne punit pas le mushrik tant que la hujja ne l'est pas parvenue. Et ce n'est pas parce qu'une personne n'est pas musulmane qu'elle mérite forcément d'être punie ou combattue. Il y a beaucoup de non-musulmans qui ne méritent pas l'enfer, et parmi eux, en premier, nous citons les enfants des mushrikouns qui meurent avant d'avoir atteint la majorité, ou avant d'avoir atteint l'âge de raison. Les enfants des juifs et des chrétiens, est-ce qu'ils sont musulmans? Est-ce qu'ils sont musulmans ou pas? Les enfants des juifs et des chrétiens. Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous suivez toujours? Est-ce que les juifs et les chrétiens, est-ce que les enfants des juifs et des chrétiens, ils sont musulmans ou non? Ils ne sont pas musulmans, même avant la raison, Sharak. Ce n'est pas vrai. Ils ne sont pas musulmans, même avant la raison. Même avant la raison, ils ne le sont pas. S'ils étaient musulmans, et je vais te donner par mes arguments que cite Ibn al-Qayyim entre autres, s'ils sont musulmans, lorsque les enfants des juifs et des chrétiens meurent, on les enterre dans les cimetières de qui? Dans quel cimetière est-ce qu'on va les enterrer? Même s'il naît, s'il meurt, un bébé, le bébé d'un chrétien, celui qui est un chrétien, quand une chrétienne accouche d'un bébé et qui meurt, naît, où est-ce qu'on enterre ce bébé? Dans le cimetière des chrétiens. S'il était musulman, on le devrait l'enterrer dans le cimetière des musulmans, d'accord? Le hadith qui dit tout fils d'Adam naît sur l'islam, puis ce sont ses parents qui en font un juif et un chrétien, comme l'explique Ibn al-Qayyim entre autres, c'est-à-dire tout enfant, tout fils d'Adam naît sur l'instinct qui lui permet d'accepter l'islam comme religion. D'accord? Il naît sur l'instinct lui permettant d'accepter l'islam. Mais, comme on l'a vu au début, la définition de l'islam, c'est de croire, donc de croire en l'unicité d'Allah et de n'adorer qu'Allah uniquement, et de prendre le prophète Mohammed pour prophète et messager et de le suivre dans ce qu'il a enseigné, d'accord? Les chrétiens et leurs enfants n'ont pas ces caractéristiques, n'ont pas ces critères. Ils ont donc le statut de leurs parents et ils sont enterrés dans le cimetière, dans les cimetières chrétiens ou les cimetières juifs s'ils sont juifs, etc. Donc ils ne sont pas musulmans, mais malgré ça ils ne méritent pas d'être punis. D'accord. Lorsqu'ils meurent, les enfants des juifs et des chrétiens ne vont pas en enfer immédiatement. Ils auront, comme les autres, ils auront un messager qui leur sera envoyé ce jour-là. Évidemment, Allah Azza wa Jal leur donnera à ce moment-là la capacité de pouvoir comprendre, etc. Évidemment, ils ne seront plus des bébés à ce moment-là. Enfin, ils n'auront pas la, ils auront une raison, etc. D'accord. Mais ils ne seront pas punis tant qu'un messager ne leur a pas été transmis. C'est une règle très importante. C'est que le châtiment, la punition du shirk n'est méritée qu'après l'envoi du message. Et ça, que ce soit le shirk ou le reste, d'accord? Les enfants des musulmans, le musulman n'aura jamais de test. Il n'y a que les non-musulmans qui auront ce test le jour du jugement. Les musulmans n'ont pas ce test. Parce que ce test, il est prévu à ceux qui n'ont pas eu de messager. Ce test, il sera pour ceux qui n'ont pas été musulmans, uniquement pour les non-musulmans qui n'ont pas eu de messager. D'accord? Non, c'est en direct, Muslimia. Ahl al-Fatra, tout à fait. Ahl al-Fitra. Non, c'est plutôt Ahl al-Fitra. Ou Ahl al-Fatra. Naam, sahih, naam. Ahl al-Fatra. D'accord? Ce sont ceux qui n'ont pas eu de message d'un prophète. Donc, ils n'étaient forcément pas sur l'islam. Mais ils ne méritent pas d'être punis pour ça. Tant que Allah Azza wa Jalla, tant qu'un messager ne leur est pas parvenu, comme l'a dit Allah Azza wa Jalla dans le verset, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Et nous ne châtions personne avant d'envoyer un messager. Sourate 17, verset 15. Et aussi le prophète A.S. a dit, dans le hadith rapporté par Muslim, par Allah, il n'est pas un juif ou un chrétien de cette communauté qui entende parler de moi, puis qui ne croit pas en ce avec quoi je suis venu, sans qu'il ne fasse partie des gens du feu. Regardez bien que le prophète A.S. a considéré que les gens du feu sont ceux qui, après avoir entendu parler du prophète A.S. et puis malgré ça ne croit pas en ce qu'il a enseigné, ceux-là sont les gens du feu. Celui qui n'a jamais entendu parler du prophète A.S., à qui n'est jamais parvenu le message du prophète A.S., et qui n'a pas de moyen d'y accéder, celui-là, il n'est pas puni pour son non-islam. Il n'est pas puni pour ne pas être un musulman jusqu'à ce qu'Allah lui enverra un messager. S'il n'a pas eu ce messager dans ce bas monde, il l'aura dans l'au-delà. C'est possible, hasala ala tawhid. C'est possible. Ibn Taymiyyah a dit dans Majmu' al-Fatawa, volume 20, page 38. فاسم المشرك ثبت قبل الرسالة فإنه يشرك بربه ويعدل به ويجعل معه آلهة أخرى ويجعل له أندادا قبل الرسول ويثبت أن هذه الأسماء مقدم عليها وكذلك اسم الجهل والجاهلية يقال جاهلية وجاهلا قبل مجيء الرسول أما التعذيب فلا. C'est-à-dire, Ibn Taymiyyah dit, le nom d'idolâtre est affirmé avant le message. Abu Khadija, ici, le but justement, c'est de faire un cours en français. Donc, wa alaykoum salam. Le but, c'est de faire un cours en français, donc je ne vais pas, évidemment, le faire en arabe. Donc, le nom d'idolâtre, Ibn Taymiyyah dit, le nom d'idolâtre, de mouchrik, est affirmé avant que le message ne soit transmis. Pourquoi ? Car il donne un associé à Allah et place d'autres divinités qu'Allah avec lui, et il lui attribue des égaux, et ceci avant que le messager ne lui parvienne. Ces noms sont donc affirmés avant cela, ainsi que le nom de païen et de paganisme. On dit d'une personne qu'elle est païenne avant que le prophète ne lui soit parvenu, mais par contre il n'y a pas de châtiment. Fin de citation. Qu'est-ce que ça veut dire cette parole d'Ibn Taymiyyah? Ça veut dire que le fait qu'une personne soit mushrik, donc soit adorateur de plusieurs dieux, et donc non musulman, non monothéiste, c'est une chose qui est affirmée même lorsqu'aucun prophète n'est encore parvenu. D'accord ? Il y a de nombreuses preuves du Coran à ce sujet, entre autres, lorsqu'Allah a dit à Moussa alayhi salam, an itil qawm al-zalimin qawm fir'aun ala yattaqun. C'est-à-dire, va donc chez ce peuple injuste, zalimun, c'est-à-dire mushrikun, idolâtre, va donc chez ce peuple injuste, le peuple de Pharaon, ne craint-il pas ? C'est-à-dire qu'Allah Azzawajal dénonça ce peuple, annonça que ce peuple était zalim, mushrik, alors que Moussa a.s. n'était pas encore venu à ce peuple avec le message. Donc le nom, et il y a encore beaucoup d'autres versets qui prouvent cela, donc le nom de mushrik et le fait de nier l'islam d'un mushrik, ça existe déjà même avant que le message soit transmis. Ce n'est pas parce que le messager n'est pas venu qu'on va dire que ceux qui adorent des divinités en dehors d'Allah sont des musulmans. D'accord ? Mais par contre, ils ne méritent pas le châtiment tant que le messager n'est pas venu. D'accord ? Est-ce que vous me suivez toujours ? Suleymani, si tu ne sais pas d'où j'ai pris mon ilm, personne ne t'oblige à rester dans le salon, hein. D'accord ? Est-ce que tu es obligé de venir ici, Suleymani ? Tu es obligé de venir dans cette chambre ? Est-ce que quelqu'un t'a forcé ? Voilà. Merci, Salah, pour tes bannissements qui sont toujours aussi. Voilà, mashallah. Barakallahu fik, Salah. Donc nous continuons. Mohamed ibn Abdel Wahhab dit dans Durar al-Saniya, volume 18, page 534, il dit, donc Mohamed ibn Abdel Wahhab dit dans Durar al-Saniya, volume 18, page 534, فَجِنْسُ هَاُولَا الْمُشْرِكِينَ وَأَمْثَالُهُمْ مِمَّنْ يَعْبُدُ الْأَوْلِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ نَحْنُ نَحْكُمْ بِأَنَّهُمْ مُشْرِكُونَ وَنَرَى كُفْرُهُمْ إِذَا قَامَتْ عَلَيْهِمُ الْحُجَّةَ الرِّسَالِيَةَ. C'est-à-dire, Mohamed ibn Abdel dit en français, ce genre d'idolâtres et leurs semblables qui adorent les saints et les pieux, nous jugeons qu'ils sont idolâtres et nous considérons qu'ils sont mécréants après que la preuve leur soit établie ou présentée. Fin de citation. Donc cela montre que Mohamed ibn Abdel Wahhab rahimahullah considérait que ceux qui adorent les saints et les pieux, ils sont mushrikoun, ça c'est sûr. Et puis le fait de dire qu'ils sont mécréants, ce sera après que la preuve leur soit établie. Cette mécréance, c'est-à-dire qu'il mérite le châtiment, qu'il mérite d'être puni. Le mécréant, nous allons voir la définition de la mécréance et nous allons comprendre plus dans le chapitre suivant pourquoi est-ce que Mohamed ibn Abdel Wahhab a fait une différence entre le fait de dire qu'ils sont idolâtres et le fait de dire qu'ils sont mécréants. Parce que, d'après certains ulama, il y a une différence entre un mouchrik et un kafir. D'accord. Et nous verrons que ceci peut avoir, ce qu'il faut que le fait de connaître cette subtilité peut aider à comprendre beaucoup de choses, inshallah. Les fils de Muhammad ibn Abdel Wahab ainsi que Cheikh Hamad ibn Nasser al-Mu'ammar. Hamad ibn Nasser al-Mu'ammar, c'est l'un des élèves de Muhammad ibn Abdel Wahab qui fut aussi l'un des enseignants de Cheikh Abdurrahman ibn Hassan al-Sheikh, qui fut celui qui a écrit Fath al-Majid, l'explication de Kitab Tawhid. Donc Hamad ibn Nasser al-Mu'ammar, c'est l'un des enseignants de celui qui a fait l'explication de Kitab Tawhid, Fath al-Majid. Hanthala al-Muahid. Akhi Abul Hassan, il faut expliquer aux frères qu'il y a une différence entre Qiyam al-Hujjah et Fahm al-Hujjah. Akhi al-Fadil barakallahu fik pour cette remarque, mais nous parlerons plus en détail de ce point lorsqu'on parlera des mawani' al-takfir et des shurut al-takfir, donc des conditions et les entraves au takfir. Lorsqu'on parlera de l'excuse par ignorance, c'est là qu'on va plus détailler ce que signifie Qamat al-Hujjah. D'accord ? D'accord. Donc ça, ce sera plus tard, inshallah. Donc je reviens donc dans Durar al-Saniya, volume 10, page 136-137. Les fils de Muhammad ibn Abdel Wahab ainsi que Cheikh Hamad ibn Nasser al-Mu'ammar ont dit: إذا كان يعمل بالكفر والشرك لجهله أو عدم من ينبهه لا نحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة، ولكن لا نحكم بأنه مسلم، بل نقول عمله هذا كفر يبيح المال والدم، وإن كنا لا نحكم على هذا الشخص لعدم قيام الحجة عليه، لا يقال إن لم يكن كافرا فهو مسلم، بل نقول عمله عمل الكفار، وإطلاق الحكم على هذا الشخص بعينه متوقف على بلوغ الحجة الرسالية. وقد ذكر أهل العلم أن أصحاب الفترات يمتحنون يوم القيامة في العرصات، ولم يجعلوا حكمهم حكم الكفار ولا حكم الأبرار. C'est-à-dire en français: s'il commet de l'impiété ou de l'idolâtrie par ignorance, sans personne pour l'avertir, alors nous ne lui donnons pas le statut de mécréant tant que la preuve ne lui a pas été établie, mais nous ne jugeons pas non plus qu'il est musulman. Donc nous ne jugeons pas qu'il est musulman pour autant. Nous disons que son acte est une impiété permettant de faire couler son sang et de s'emparer de ses biens. Et même si nous ne rendons pas de verdict sur cette personne précise à cause qu'aucune preuve ne lui a été établie, il ne faut pas dire pour autant que s'il n'est pas mécréant, alors il est musulman. Nous disons que son acte est celui des mécréants. Quant à l'affirmation de ce verdict sur cette personne en particulier, cela dépend de savoir si la preuve lui est parvenue ou non. Et les gens de science disent que ceux qui vivent dans les périodes de rupture, c'est-à-dire les périodes où on n'a plus accès aux messages des prophètes, donc ceux qui vivent dans une période de rupture, ils seront éprouvés le jour du jugement. Et les savants n'ont donné à ces gens-là ni le statut de mécréants, ni celui des pieux, ni celui des abrar, donc les pieux, des musulmans. Cheikh Hussein et Cheikh Abdallah, fils de Mohammed ibn Abdel Wahab, donc les deux fils de Mohammed ibn Abdel Wahab, Hussein et Abdallah, ont dit dans Durar al-Saniya, volume 10, page 142: من مات من أهل الشرك قبل بلوغ هذه الدعوة فالذي يحكم عليه أنه إذا كان معروفا بفعل الشرك ويدين به ومات على ذلك فهذا ظاهره أنه مات على الكفر ولا يدعى له ولا يضحى له ولا يتصدق عنه. وأما حقيقة أمره فإلى الله تعالى، فإن كان قد قامت عليه الحجة في حياته وعاند فهذا كافر في الظاهر والباطن، وإن كان لم تقم عليه الحجة فأمره إلى الله تعالى. وأما سبه ولعنه فهذا لا يجوز، بل لا يجوز سب الأموات مطلقا، كما في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، إلا إن كان أحدا من أئمة الكفر وقد اغتر الناس به فلا بأس بسبه إذا كان في مصلحة دينية والله أعلم. Donc en traduction, c'est-à-dire, donc Hussein et Abdallah al-Sheikh ont dit: celui qui meurt parmi les adeptes du shirk avant que ne lui parvienne cette da'wa, nous jugeons que s'il était connu pour pratiquer du shirk et qu'il le prenait pour mode de vie et qu'il est mort ainsi, celui-là est manifestement mort sur le kufr, sur l'impiété. Et on ne fait pas de prière pour lui, ni ne sacrifie pour lui, ni ne donne d'aumône pour lui. Pour ce qui est de la réalité de son sort, cela appartient à Allah. Si la preuve lui a été établie de son vivant mais qu'il l'a refusé, alors c'est un mécréant extérieurement et intérieurement. Si par contre la preuve lui fut établie, ne lui fut pas établie, alors son sort revient à Allah. De l'insulter ou de le maudire, ce n'est pas permis. Il n'est même pas permis d'insulter les morts du tout, comme cela fut stipulé dans le hadith que rapporte Al-Bukhari d'après Aïcha, qu'Allah l'agrée, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'insultez pas les morts. Sauf s'il était un... Et puis, c'est la fin du hadith. Ensuite, le cheikh dit, sauf s'il était un leader de la mécréance à cause de qui les gens se sont égarés, dans ce cas, il n'y a pas de mal à l'insulter s'il y a un intérêt légal à cela, et Allah est plus savant. Donc, fin de citation. Nous pouvons retenir alors de ces citations, de ces diverses citations et de ce que nous avons mentionné dans ce point, c'est que premièrement, le shirk, cela signifie attribuer à un autre qu'Allah ce qui n'appartient qu'à Allah, que ce soit par un acte, une parole ou une croyance. Nous pouvons aussi en retenir que celui qui commet du shirk sans y avoir été forcé sous la contrainte ne peut en aucun cas être monothéiste en même temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le monothéiste, le musulman, c'est celui qui adore Allah uniquement, il va de soi que celui qui adore un autre qu'Allah ne remplit pas les critères du musulman. D'accord? Il n'est pas possible d'être en même temps un adorateur d'Allah uniquement et en même temps un adorateur d'un autre qu'Allah. C'est pas possible. D'accord? Ça, c'est pas possible, c'est même inconcevable. Que ce soit même logique, même de. Qu'on ne peut pas concevoir ça dans son cerveau, et encore moins dans la loi d'Allah Azzawajal. D'accord? C'est pas possible d'être à la fois de l'eau et du feu, c'est pas possible d'être à la fois rond et carré, c'est pas possible d'être à la fois monothéiste et adorateur d'un autre qu'Allah. Ça, c'est une chose, c'est un principe sur lequel tous les salafs étaient d'accord. D'accord? Lorsqu'une personne commet du shirk, lorsqu'une personne donc commet du shirk, il n'y a pas besoin d'attendre de lui expliquer son péché avant d'affirmer qu'il n'est pas musulman. D'accord? Quelqu'un qui fait du shirk, il n'est pas musulman même si personne n'est venu lui expliquer son péché. Et c'est ce que disent donc Ahl Sunnah en général et Mohammed ibn Abd al-Wahhab, comme nous l'avons lu dans sa parole lorsqu'il a dit Fajin suha ula al-mushrikin وأمثالهم مما يعبد الأولياء والصالحين نحكم بأنهم مشركون ونرى كفرهم إذا قامت عليهم الحجة. C'est-à-dire, il avait dit, donc je le rappelle, ce genre de mushrikoun et leurs semblables qui adorent les saints et les pieux, nous jugeons qu'ils sont mushrikoun et nous considérons qu'ils sont mécréants après que la preuve leur soit établie. Hein, ça c'est donc important de comprendre ce détail. Le fait, nous pouvons aussi retenir de ce chapitre que le fait d'adorer un autre qu'Allah n'implique pas forcément d'être puni pour ça. D'accord? Celui qui adore un autre qu'Allah, il ne sera pas forcément puni pour ça. À partir de quand est-ce qu'il sera puni? Est-ce que vous pouvez dire à partir de quand est-ce qu'il sera puni? Dans ce qu'on avait vu. Celui qui adore un autre qu'Allah, à partir de quand est-ce qu'il est puni pour ça? La venue du message, d'accord. Et c'est quoi la preuve qu'il ne sera pas puni avant la venue du message? C'est comme on l'avait mentionné, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Donc Allah, ce verset dit, nous ne punissons personne avant d'avoir envoyé un messager. Et ce verset conteste la punition. Allah Azza wa Jalla ici a nié punir celui avant d'avant. Il n'a pas voulu dire. Ce verset ne signifie pas que nous ne bannissons pas de l'islam avant d'avoir envoyé un messager. C'est pas vrai. D'accord? Il y a une différence entre bannir quelqu'un de l'islam et affirmer qu'il mérite la punition. Ce n'est pas la même chose. D'accord? Donc, lorsqu'une personne commet du shirk, il n'y a pas besoin d'attendre de lui expliquer son péché avant d'affirmer qu'il n'est pas musulman. Et l'adoration d'un autre qu'Allah n'implique pas forcément d'être puni. Et aussi, c'est une règle générale, donc le fait de commettre un péché ne mérite aucune punition pour celui qui ne mérite une punition. Celui qui commet un péché ne mérite une punition que s'il était capable de savoir qu'il désobéit à Allah. Celui qui est incapable de savoir qu'il est en train de faire quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'Allah Azzawajal a ordonné, qu'il n'a pas eu la capacité d'atteindre les textes lui prouvant que ce qu'il fait est un péché, que ce soit du shirk ou autre péché, par exemple, qu'il n'a pas eu la possibilité de savoir qu'il était interdit de manger du mouton qui n'avait pas été sacrifié au nom d'Allah, par exemple, ou qui a été électrocuté ou autre, qu'il n'avait pas eu la capacité d'apprendre que c'était interdit, il ne sera pas puni pour avoir mangé de cela. Ceci est valable pour tous les péchés. Et je profite ici de cette occasion pour mentionner que il existe trois tendances islamiques, enfin trois tendances, trois avis, trois, on va dire trois doctrines à ce sujet, celle de Ahl Sunnah wal Jama'a, celle des Mu'tazila et celle des Ash'ariya. Les Mu'tazila disent que les choses sont mauvaises ou bonnes avant que le messager ne parvienne, et que celui qui commet un péché avant que le messager ne lui parvienne, il mérite quand même d'être puni, parce que d'après eux, le aql, la raison, est suffisante pour prouver l'interdiction de l'acte commis. Par exemple, les Mu'tazila disent que celui qui fait par exemple zina, qui fait zina, qui fornique ou bien qui vole, etc., eh bien il mérite d'être puni pour ça, parce que son aql est une preuve permettant de justifier qu'il soit puni. Le aql à lui seul permet de le punir, d'accord. C'est l'avis des Mu'tazila qui disent que le aql en soi est, donc la raison humaine, est un argument suffisant contre l'être humain donc pour pouvoir justifier de le punir pour ses actes. D'accord, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Pour les Mu'tazila, même si un messager ne t'est pas parvenu, tu mérites quand même d'être puni, parce que ton aql, ta raison, était déjà là pour te dire que ce que tu faisais, c'était pas bien. D'accord? Ça, c'est l'avis des Mu'tazila. Et cet avis est faux, parce que s'il était vrai, il n'y aurait aucun intérêt d'envoyer des messagers, puisque le aql est déjà là pour tout légiférer. D'accord? Allah Azzawajal ne punit personne avant d'avoir envoyé un messager, c'est Allah qui l'a dit, d'accord. Les Mu'tazila, eux, se sont opposés à ce principe, et si ce principe était vrai, il n'y aurait aucun intérêt d'envoyer des messagers, puisque le but d'envoyer les messagers, c'est d'établir la preuve contre les gens. Rusulan mubashirin wa munzirin li alla yakuna lin-nas 'ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul. Des messagers et des prophètes en tant qu'annonciateurs et avertisseurs, pour que les gens n'aient plus d'arguments après l'envoi des messagers devant Allah Azzawajal, comme le dit le verset, le sens du verset. La deuxième tendance, c'est celle des Ash'ariya. Les Ash'ariya, eux, ils ont été dans l'autre extrême, ils disent que les choses... Allô, est-ce qu'il n'y a plus de son? Est-ce que vous m'entendez? Muslim 460... Ok, d'accord. L'autre tendance, ce sont les Ash'ariya. Les Ash'ariya, eux, considèrent que les choses ne sont... On ne peut pas dire qu'une chose est mal ou est mauvaise ou bonne tant que le messager n'a pas été envoyé. Donc pour eux, le fait de voler ou de faire zina n'est pas quelque chose de mal, et le fait de faire la salat et de donner la zakat et d'être gentil avec ses parents et tout ça, c'est pas quelque chose de bien tant que le messager n'a pas été envoyé. Donc pour eux, le aql ne te permet pas de savoir si une chose est mal ou bien. D'accord? Pour eux, ben, si jamais, on ne peut pas dire, tant que le messager n'a pas été envoyé, on ne peut pas dire que voler c'est mal. Et on ne peut pas dire que être gentil avec ses parents c'est bien. Ils ont été à l'autre extrême que celui des Mu'tazila. Ils disent que les choses, elles sont bonnes ou mauvaises uniquement après que le messager l'a dit. Or, Ahlus Sunnah wal Jama'a, ils se trouvent entre les Mu'tazila et les Ash'ariya. C'est-à-dire, Ahlus Sunnah wal Jama'a, ils disent que le aql, la raison, est capable de montrer à l'homme ce qui est bien et ce qui est mauvais. Un homme, de par son aql, peut savoir que zina, c'est pas bien, que voler, c'est pas bien, que tuer, c'est pas bien, enfin, tuer injustement quelqu'un, c'est pas bien. Et encore plus que tout, que de donner, que de vouer un culte à un autre qu'Allah, qu'à un autre que le Créateur, de vouer un culte à une pierre ou à une statue, c'est quelque chose de pas bien. Le aql est capable, l'homme est capable de savoir ça de par son aql. D'accord? Mais, Allah Azzawajal ne punit pas les gens en fonction de... ne considère pas que le aql est une preuve légale pour punir quelqu'un. Ce n'est pas en fonction du aql des gens qu'Allah punit, mais au contraire, c'est Allah Azzawajal le seul. C'est une personne ne peut être, comment dire, responsable, ne peut être coupable que si elle s'oppose à ce qu'Allah Azzawajal a décidé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'une personne a désobéi à Allah tant qu'Allah Azzawajal ne lui a pas donné d'ordre. D'accord? La désobéissance n'existe qu'après la venue du prophète. qu'après la venue du message. On ne dit pas qu'une personne a désobéi, s'est opposé à désobéir à Allah Azzawajal tant que le messager n'est pas parvenu. Allah Azzawajal a dit au sujet de Pharaon, فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى عفوا فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى. Dans sourate An-Nazi'at, donc Allah a dit au sujet de Pharaon, donc Moussa, donc au sujet de Moussa et de Pharaon, Allah a dit, il lui a donc fait voir tous les signes, il lui a fait voir tous les signes, فأراه الآية الكبرى, tous les grands signes, فكذب وعصى, et il a dit, mais Pharaon a démenti et désobéi. D'accord. Et Allah Azza wa Jalla a dit, inna arsalna ilaykum rasulan shahid, inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'aun rasula fa'asa fir'aun ar-rasul fa'akhadnahu akhdhan wabila. C'est-à-dire, nous vous avons envoyé un messager en tant que témoin contre vous, tout comme nous avons envoyé un messager à Pharaon, mais Pharaon désobéit au messager, nous l'avons alors saisi fermement. Donc la désobéissance Pharaon n'a été accusé de désobéissance qu'après que Moussa lui ait fait voir les plus grands signes. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى فَكَذَّبَ وَعَصَى. Il lui a fait voir les plus grands signes, mais Pharaon a démenti et désobéi. Donc Ahlus Sunnah wal Jama'a, c'est ça que disent Ahlus Sunnah wal Jama'a. Ils disent, la raison est capable de montrer à l'homme qu'une chose est mal ou bien. Mais la raison à elle seule n'est pas suffisant pour mériter la punition. La seule chose pour laquelle l'homme mérite la punition, c'est d'avoir contredit la loi d'Allah et non pas son aql. Le fait d'avoir violé le aql, d'avoir violé son aql, d'avoir violé les limites, les limites de son aql, ce n'est pas pour ça qu'Allah Azzawajal punit. C'est uniquement celui qui viole la loi d'Allah Azzawajal qui mérite la punition. D'accord. Ça, c'est une remarque importante qui permet de comprendre donc ce sujet-là. Donc, ne pas être musulman n'implique pas forcément de subir la sentence d'un mécréant. En effet, ce n'est pas parce qu'une personne n'est pas musulmane qu'elle mérite forcément l'enfer éternel. Cela repose donc sur le fait que, est-ce que oui ou non, le messager lui est parvenu ou non. D'accord. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une personne non musulmane ne mérite pas le paradis. Quelqu'un qui n'est pas musulman n'a pas le droit de rentrer au paradis. Et personne ne rentrera au paradis avant d'avoir été musulman. D'accord. Nous pouvons aussi retenir de ces définitions que nous avons vues que celui qui meurt mouchrik avant qu'un prophète lui soit parvenu, avant que l'enseignement d'un prophète lui soit parvenu, on ne va pas le considérer musulman pour autant. Car, comme l'a mentionné le cheikh Hussein et Abdallah, Al-Shir, c'est que celui qui meurt sur le shirk avant que la da'wa ne lui parvienne, on ne demande pas pardon pour lui. D'accord. On ne lui demande pas à Allah de lui pardonner ses péchés et de lui faire miséricorde. Mais s'il était musulman, il serait permis de demander pardon pour lui. D'accord. Il est permis de demander, voire même obligatoire de demander pardon. Mais si tu ignores sa situation, tu t'abstiens. D'accord. Tu t'abstiens. Tu dis, s'il était musulman, alors Inch'Allah, Allah lui pardonne. Et s'il n'était pas musulman, bien Allah ne lui pardonne. Et lorsque nous disons que Allah Azza wa Jalla ne pardonne pas aux mouchriks, il faut faire une différence entre le fait qu'Allah Azza wa Jalla ne pardonne pas le mouchriks et le fait de dire qu'Allah Azza wa Jalla punit le mouchriks. Le fait qu'Allah Azza wa Jalla ne pardonne pas le mouchriks, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla n'accepte aucune de ses œuvres. Il n'accepte aucune de ses œuvres et il ne lui pardonne aucun péché. Aucun de ses péchés ne sera effacé, d'accord. Mais il ne sera pas puni pour ses péchés tant que le messager ne sera pas envoyé le jour du jugement. Si jamais il obéit à ce messager, il deviendra musulman et tous ses péchés à ce moment-là seront pardonnés. Parce qu'il sera devenu musulman. Et si jamais il persiste donc s'il n'obéit pas à ce messager le jour du jugement, à ce moment-là, il aura donc le statut des autres mécréants éternellement en enfer. D'accord. Et ici nous avons quelque chose, nous avons alors ici dans ce chapitre, enfin dans ce, nous avons ici aussi appris quelque chose qui est très important à bien saisir, c'est que les savants font une différence entre le fait de dire qu'une personne n'est pas musulmane et le fait de lui donner le statut du mécréant. Le statut du mécréant, c'est-à-dire le fait de dire que son sang et ses biens sont halal et qu'il mérite la peine et qu'il mérite d'être combattu, etc. ici, et que dans l'au-delà, il mérite le châtiment. Ça, c'est le statut du mécréant. Ça, c'est le kufr. D'accord ? Et nous allons comprendre que signifie le kufr dans le chapitre suivant, Inch'Allah. Donc, une personne qui n'est pas musulmane, elle mérite pas forcément, elle n'a pas forcément les peines et les sentences d'un kafir. Elle n'aura la sentence d'un kafir, donc c'est-à-dire le châtiment de l'enfer et la punition, uniquement après que la hujja lui soit établie. Et le takfir, le terme takfir, cela désigne le fait de donner le statut de mécréant à quelqu'un. D'accord ? Et c'est pour ça que Mohammed ibn Abd al-Wahhab avait dit, ceux-là nous jugeons qu'ils sont mushrikoun, mais nous voyons leur kufr, donc nous faisons leur takfir, après que la hujja le soit parvenue. Le takfir, c'est plus, c'est ça, il peut être mushrik mais pas kafir, car il n'a pas encore iqamat al-hujja. Et nous allons comprendre cette distinction, inshallah, au chapitre suivant, qu'on fera probablement la prochaine fois. Lorsque on fait le takfir sur une personne, le takfir c'est quelque chose de plus large. Chez les juristes, lorsque les juristes parlent du takfir, ils parlent de quelque chose de plus large que le simple fait de dire qu'une personne n'est pas musulmane. Mais cela inclut aussi, il n'est pas musulman, il mérite la peine, sa peine c'est la peine de mort, et c'est l'enfer éternel s'il meurt sur cela. D'accord ?